les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La rétrospective que lui a consacrée en avril 2017 la Cinémathèque aura permis de redécouvrir, et à beaucoup de découvrir, l'œuvre cinématographique singulière d'un cinéaste français trop méconnu, Alain Jessua. Jeux de massacre, Traitement de choc, Armageddon, les films d'Alain Jessua ont toujours traduit une volonté de concilier une manière exigeante d'aborder les thèmes modernes et ambitieux avec les contingences d'un cinéma populaire. Longtemps assistant de Max Ophuls, Marcel Carné, Yves Allégret ou encore Jacques Becker, c'est en 1964 qu'il signa le premier des seulement 9 longs métrages qu'il réalisa durant sa carrière de réalisateur. Une carrière qu'Alain Jessua a, depuis une vingtaine d'années, abandonnée au profit d'une activité de romancier. En 1966, Michel Polac accueillait Alain Jessua dans Histoire sans images. Alors, tout jeune réalisateur, il y présentait son premier film, La vie à l'envers, son scénario, son découpage. Et les deux comédiens principaux, Anna Gaylor et Charles Denner, en donnaient une lecture des dialogues. Histoire sans images. Une émission de Michel Polac. Aujourd'hui, La vie à l'envers d'Alain Jessua avec le concours de Charles Denner et Anna Gaylor. Voici aujourd'hui la première émission de Histoire sans images. Qu'est-ce que Histoire sans images ? Eh bien, c'est une émission où nous voulons prendre le cinéma au sérieux. Je crois qu'il y a quelques années, nous n'aurions pas tenté l'expérience. Imaginez de commenter, de lire un scénario à la radio, ça aurait paru trop ingrat. D'ailleurs, on n'éditait pas les scénarios de cinéma autrefois, alors que maintenant, il y a quelques collections et on peut trouver en librairie les scénarios d'Hiroshima, de Marienbad, de Cléo de 5 à 7, des Abysses et de beaucoup d'autres films. Nous allons donc tenter cette expérience aujourd'hui avec La vie à l'envers, un film d'Alain Jessua. Nous avons commencé avec La vie à l'envers, mais peut-être tout simplement pour céder à nos préférences personnelles, car je crois que La vie à l'envers est un des films très importants, un des plus importants du jeune cinéma français de ces dernières années, et je crois qu'il apparaîtra de plus en plus, d'ailleurs, dans la perspective de ces années, comme un film qui a marqué. Alain Jessua, avant de parler de cette expérience, vous me direz aussi ce que vous en pensez, puisque nous faisons cette interview après avoir enregistré le scénario avec Charles Denner et Anna Gaylor, j'aimerais vous demander votre situation actuelle. Vous avez tourné ce film il y a, je crois, maintenant 3 ans, et nous n'avons pas vu de second film de vous, alors que certains réalisateurs, pensons par exemple à Godard, tournent un film tous les 3 ou 4 mois. Ce qui n'est pas une critique, ni d'ailleurs dans un sens, ni dans l'autre. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes quelqu'un qui travaille lentement, ou avez-vous des difficultés à faire accepter un scénario ? Mais si vous voulez, il y a peut-être un peu les deux choses. J'ai eu beaucoup de mal à imposer le scénario de La vie à l'envers, et j'ai été amené à le produire moi-même. Donc, l'ayant produit, j'ai dû m'occuper de la promotion du film. J'ai dû imposer le film une fois qu'il a été fait, et cela m'a fait perdre beaucoup de temps, et j'ai dû consacrer à cette promotion un an de travail après le tournage du film. Et alors, par ailleurs, je mets énormément de temps à écrire un scénario, parce que je préfère travailler sur un scénario original, un scénario que j'écris intégralement, et donc il me faut énormément de temps pour arriver à exprimer ce que je veux véritablement exprimer. Et par exemple, pour le prochain film qui s'appelle Jeux de massacre, j'ai mis à peu près un an pour l'écrire. Je crois qu'il serait bon tout de même pour cette série d'émissions de faire un petit portrait rapide du réalisateur. Alors j'aimerais tout de même vous présenter aux auditeurs. Je vais tout simplement vous demander d'abord votre âge. J'ai 34 ans. Et comment êtes-vous venu au cinéma ? Je crois qu'on ne sait jamais exactement comment on y vient. Enfin, lorsque j'avais 17 ans, j'ai été attiré par ce métier. C'était un métier qui m'a fasciné. Et à 19 ans et demi, j'ai fait un premier stage dans le film de Jacques Becker, dans Casque d'or. Puis ensuite, j'ai été stagiaire dans quelques courts-métrages, notamment un court-métrage de Baratier, des films chirurgicaux. J'étais assistant stagiaire de Max Fuchs dans Madame II. C'était une expérience très enrichissante parce que j'ai pu suivre le film du début du tournage au mixage. Ensuite, j'ai été assistant d'Yves Allégret. J'ai été assistant dans de nombreuses séries de courts-métrages pour la télévision américaine, des courts-métrages de science-fiction. J'étais assistant encore d'Yves Allégret, puis de Marcel Carnet. Et puis, j'ai pu réaliser un court-métrage en 1957 qui s'appelait Léon Lalune, qui est un court-métrage qui a, je crois, beaucoup vieilli. C'était un court-métrage qui subissait toutes les influences, dirons-nous, du réalisme poétique français. Enfin, c'était bon que je le fasse. Après, j'ai essayé d'imposer différents sujets tout en continuant d'être assistant. Et puis, un jour, j'ai eu la possibilité de m'arrêter de travailler pendant un an pour les autres. Et j'ai écrit le scénario de La Vie à l'envers, que j'ai été obligé de produire moi-même. Alors, vous l'avez écrit en quelle année ? En 1962. Et je l'ai réalisé à la fin de l'année 1963. J'ai eu une standard au début de 1964. Ce film est un film où le sourire apparaît souvent. C'est un film où, on pourrait presque dire un film humoristique. En même temps, c'est un film extrêmement dramatique. Nous avons dit tout à l'heure que des spectateurs étaient au bord de la dépression nerveuse et de la névrose. Donc, vous avez joué sur deux tableaux. Et au fond, qu'est-ce que vous souhaitez faire lorsque vous faites du cinéma ? Eh bien, si vous voulez, pour moi, le plus grand cinéaste est Charlie Chaplin. Et le comique, et surtout l'humour, est quelque chose qui me fascine. Et je voudrais, si cela est possible, et c'est ce que je vais faire dans mon prochain film, faire des films d'humour grinçant, c'est-à-dire des films où on met en cause des problèmes importants qui se posent à nous de nos jours, mais traités sur un mode humoristique. On pense aussi à, avec La Vie à l'envers, on pense aussi à Kafka, d'une certaine manière. Oui, mais enfin, je crois que tout comique qui a une certaine profondeur, le comique naît de l'angoisse. On pourrait parler de Kafka à propos de Chaplin. Il n'y a rien de plus proche, par exemple, que ce livre inachevé de Kafka qui s'appelait L'Amérique. L'Amérique, pour moi, c'est un livre qui se réfère directement à l'humour de Chaplin. Et ça, je crois que c'est normal. Il y a deux réactions en face où on exprime son angoisse de manière tragique, où on l'exprime, on essaye de l'exprimer avec un certain sourire. Je crois que vous n'êtes pas un cinéaste la nouvelle vague. Comme on dit, il y a eu cette nouvelle vague, Truffaut, Godard, Chabrol, qui est un peu la nouvelle vague des cahiers du cinéma. Vous êtes un peu un solitaire en marge des autres cinéastes. Ce sont des solitaires au même titre que moi, parce que vraiment, qu'y a-t-il de commun entre Godard et Truffaut, entre Truffaut et Chabrol, entre Chabrol et De Givray. En fait, la nouvelle vague, c'est un mot. Un jour, une journaliste a employé le mot nouvelle vague. Ça correspond à quelque chose quand même. Ça a été une chose très importante. C'est que au moment où j'ai commencé de travailler dans ce métier, il était quasiment inconcevable de faire un film avant d'avoir été premier assistant de longues années. On faisait son premier film, on le réalisait à 40 ans. Bon, eh bien, alors que tous les chefs-d'œuvre du cinéma, tous les grands réalisateurs ont réalisé leurs films alors qu'ils étaient âgés de 20, 22, 23, 25 ans. Et c'était quelque chose d'anormal. Si vous voulez, le cinéma classique était un cinéma de jeunes, c'était un art jeune. Eh bien, la nouvelle vague, de nouveau, est revenue à ce classicisme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le cinéma avait besoin de talents plus jeunes, c'est tout. Il n'y a rien en commun. Si, il y a une recherche. Je crois, si vous voulez, Monsieur Renoir est un cinéaste nouvelle vague, Monsieur Bresson est un cinéaste nouvelle vague, Monsieur Tati est un cinéaste nouvelle vague. Bon, mais enfin, c'est un mot qui n'existe plus. Il y a les gens qui sont jeunes, et puis il y a les autres. Je crois que c'est ça, en fait. Picasso est un être jeune, et puis à côté de ça, je crois que Vlaminck est un être vieux, parce que l'un cherche constamment, se renouvelle constamment, et puis les autres se sont installés dans un conformisme. Il y a aussi une ressemblance entre un certain type d'auteurs, c'est que vous êtes des auteurs complets de films, qu'il y a des façonniers, qui sont d'ailleurs souvent de talent, mais qui réalisent les scénarios d'autres personnes. C'est une forme de cinéma qui est très différente d'un cinéma qui est en pleine expansion maintenant, qui est un cinéma d'auteur. Et votre film est un film de cinéma d'auteur. Et il y a aussi une caractéristique, je crois, dans votre film, c'est que il ne s'agit pas de parler d'autobiographie, mais je crois que ce type de film, et il y en a maintenant de plus en plus, part d'expériences personnelles et pas comme un romancier part de son univers intérieur. C'est votre univers intérieur, je suppose. Oui, enfin, je ne ressemble pas au personnage du non, film. Non, bien sûr, enfin, mais... il ne s'agit pas de dire bêtement, c'est vous. Mais enfin, c'est comme on dit Madame Bovary, c'est moi de Flaubert. Enfin, on pourrait dire un peu que le héros de La vie à l'envers, c'est vous. Oui, absolument. Alors là où j'ai eu, par exemple, une expérience qui était passionnante, c'est que lorsque j'ai rédigé mon deuxième scénario, c'est une histoire à trois personnages. Il y a deux hommes, une femme. Ne vous en faites pas, c'est pas le trio classique. Ce sont deux personnages totalement opposés. L'un est un épicurien, un matérialiste dans le meilleur sens du mot, c'est-à-dire un monsieur qui aime la vie au présent et qui n'aime pas le rêve. Et l'autre personnage, au contraire, est un rêveur, est un type qui a besoin continuellement de s'évader dans des rêves qu'on lui façonne et que lui façonne le premier personnage qui en profite. C'est une fascination d'un personnage sur un autre. Et bien, tour à tour, je perdais l'un ou l'autre de mes personnages parce que je prenais tellement parti pour l'un ou l'autre de mes personnages que j'avais du mal à accrocher sur l'un ou sur l'autre parce que je m'identifiais totalement à un personnage puis à l'autre. Et finalement, comme on est fait de contraire, chaque personnage me représente. Bien, maintenant, je crois que nous pouvons présenter La vie à l'envers. La vie à l'envers, c'est donc la vie vue de... l'autre côté d'un mur, de quelque chose qui la réalité quotidienne, et on passe à travers le miroir. C'est l'histoire d'un petit personnage, d'un petit bourgeois français moyen. Oui, tout à fait, qui un jour prend conscience qu'il y a une autre manière de voir les choses, d'envisager sa vie quotidienne, sur un détail infime qu'on verra tout à l'heure. Et il voit la vie à l'envers de la manière dont les gens la conçoivent normalement. Mais je crois que de plus en plus, les gens se posent des questions sur le sens de leur vie. Et que finalement, ne nous l'aurons pas, nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Mais comme certains problèmes matériels se résolvent de plus en plus, que ce soit dans les pays capitalistes ou... dans les pays socialistes, nous arrivons à une société que j'appellerais une société de loisirs. Et les gens sont amenés à se poser de plus en plus de questions à partir du moment où on peut se détendre et ne plus être absorbé autant par son travail. On se pose des questions d'ordre métaphysique. Eh bien, il faut bien le dire qu'à l'exception des croyants, on ne sait pas quoi répondre à ces questions. C'est un peu le problème de ce film, c'est qu'à partir du moment où ce personnage quitte son travail volontairement, eh bien, il se pose de plus en plus de questions sur sa vie, et les problèmes essentiels, pourquoi je vis, pourquoi je suis marié avec cette femme, pourquoi je fais ce métier, pourquoi. Et puis, il y répond à sa manière, il cherche quelque chose. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens, justement, de parvenir à un équilibre social, mais en tout cas... il a tenté quelque chose, et c'est ça qui est important pour moi, c'est que c'est un personnage qui cherche. Et bien maintenant, rentrons dans La vie à l'envers, film d'Alain Jessua. Alain Jessua, nous avons devant nous le scénario de votre film, scénario qui n'a pas été publié, bien que ça se produise maintenant de temps en temps pour certains films, et je vous demanderai de feuilleter avec nous, pour les auditeurs, ce scénario, et nous demanderons donc à Charles Denner de nous aider, avec Anna Gaylor, à nous présenter le dialogue de ce film. Et vous, Alain Jessua, vous présenterez la colonne image, puisque vous savez que les scénarios sont séparés en deux colonnes, le dialogue d'un côté, et enfin le son d'un côté, l'image de l'autre. Alors, je vois déjà la première page qui indique bien sûr le générique. Je crois d'ailleurs que la première page ne correspond pas au film. C'est-à-dire, le générique correspond au film. enfin ce qui avait été prévu. Par contre, nous avons changé les premiers plans du film. Alors, si je m'en souviens bien, puisque je ne les ai pas notés, je crois que ça commence sur un plan pris dans un ascenseur qui donnait sur la cour d'un immeuble caserne. Ensuite, il y avait un plan de Charles Denner en très forte plongée. On le voyait passer entre deux rangées de clous et les clous avaient l'air de tourner. Et ensuite, on le voyait, je crois, tout simplement entrer dans son appartement. Et vous allez l'entendre maintenant. C'est toujours difficile de savoir comment ça commence. Si je réfléchis bien, ça remonte à un après-midi, il y a de cela 2 mois. Je venais d'expédier une affaire. 2 imbéciles qui avaient échangé leurs 2 pièces cuisine. Le même trou contre le même trou. Comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis retrouvé à la maison. Toujours le même bordel. Décidément, Viviane ne changera jamais. Je me suis dit que je pourrais prendre un bain. Plan numéro 10, plan moyen de Jacques Dedeau, en pyjama et robe de chambre. Il prend un journal sur la table. Travelling avançant avec lui qui s'installe dans son fauteuil devant la fenêtre. Cette fois, la chambre est baignée par les derniers rayons du soleil. Travelling avance très lentement sur lui jusqu'en demi-gros plan. Alors, ça, c'est important, le travelling avance très lentement parce que on veut souligner ce moment. Et tandis que Jacques regarde un instant le journal puis laisse aller sa tête contre le dossier, on entend la voix de Jacques qui dit « J'étais bien. Il y avait longtemps que cela ne m'était pas arrivé de me retrouver seul comme ça, en semaine. » Voilà, alors là, c'est si vous voulez, pour moi, c'est quand même le point de démarrage du film, c'est-à-dire que tout ce film n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce petit moment de bien-être que vient d'exprimer Jacques. Il y a eu un petit déclic, c'est le déclic qui d'où naîtra toute l'action. Plan rapproché de Jacques de 3/4 d'eau, assis dans son fauteuil. Au deuxième plan, Viviane entre, elle va et vient en parlant, mais nous n'entendons d'abord rien, ou presque rien, de ce qu'elle dit. Parce qu'il est perdu dans une espèce de rêve. Elle s'approche et secoue un peu Jacques. Jacques ! Jacques ! Mon film est sorti, il passe au Moulin Rouge, on y va ? On y va. Jacques et Viviane, sa femme, vont au cinéma et on s'aperçoit que le film de Viviane n'est autre qu'un petit film publicitaire. Voilà. Et puis ensuite commence le générique d'une grosse machinerie historique, je pense italienne. Jacques aurait bien envie de rester, mais Viviane n'est allée là que pour voir son petit film publicitaire et ils s'en vont. On pourrait tout de même entendre très rapidement le dialogue entre deux. Ça y est, c'est le mien. Ah vraiment, je suis bien, tu trouves pas? Si, si. Oh, regarde mon gros plan. C'est un de mes meilleurs, non? Allez, viens, on s'en va. Alors, après, nous passons sur une brasserie, ça se passe dans le quartier de Montmartre. Jacques est un petit peu absent. Il rencontre des amis, surtout des amis de Viviane, Nicole et Fernand. Nicole fait également des photos publicitaires. C'est une copine de Viviane. Et Fernand, lui, est photographe. Jacques ne participe absolument pas à la conversation. Et à un certain moment, s'absente. Enfin, il va jouer à un billard électrique. Et là, de nouveau, il arrive à retrouver ce moment de quiétude qu'il avait goûté lorsqu'il était dans son appartement tout seul. Plan 21, plan rapproché panoramique de Jacques qui va au billard électrique et commence de jouer. Les bruits des déclics électriques deviennent de plus en plus stridents, puis cessent progressivement. C'est-à-dire, pour bien indiquer, cette espèce d'absence de Jacques. 22 plans rapprochés de l'appareil, travelling avant très lent et panoramique, accompagnant et isolant la boule qui heurte les plots. Je pense que le fait d'avoir mis une de ces premières scènes devant un billard électrique est assez significatif aussi, car enfin ce billard électrique, le bruit, le café, c'est le monde dans lequel nous vivons. Tout d'un coup, comme tout à l'heure dans la chambre, je me suis senti bien. Plus rien ne comptait, que la petite lumière et la boule. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Et Jacques retombe sur terre. Le lendemain, Jacques va à son bureau, une agence immobilière de Montmartre, dans un appartement mixte. Ouvre le courrier où il voit les annonces et puis il rédige les annonces pour les appartements que peut offrir l'agence, enfin le travail courant. On se rend compte que M. Kerbel, son patron, est un flemmard, qui habite d'ailleurs dans une partie de l'agence immobilière avec sa femme, que c'est Jacques qui fait tout le travail, ainsi que la femme de M. Kerbel, et il va partir pour sa journée de travail. Alors là, par contre, c'est assez important. C'est une journée de travail qui consiste à visiter les appartements. C'est entrecoupé, si vous voulez, par les voyages en métro qui vraiment ponctuent chaque visite d'appartement puisqu'il doit se déplacer dans Paris et qu'il se déplace en métro. Pendant que nous avons un plan extrêmement long sur un couloir d'appartement entrecoupé par des couloirs, des travelling sur des couloirs de métro, on entend la voix de Jacques qui dit le texte suivant, page 12. L'après-midi, ça a recommencé. Je faisais visiter et je visitais. Pour moi, cette journée, comme toutes les autres, c'était comme si j'enfilais un couloir immense avec des tas de pièces qui donnaient dedans. Des odeurs de cuisine, l'encaustique, des bonnes femmes en peignoir, des familles à table, mais l'idée fait. Je crois que vous avez choisi cette agence immobilière à juste raison, parce qu'il pourrait faire des tas de métiers. Mais là, vous avez plusieurs avantages. D'abord, on voit un métier qui représente le commerce par excellence, car c'est un métier au fond un petit peu d'intermédiaire. En même temps, vous montrez la crise du logement, qui est quand même un élément essentiel de la vie contemporaine. Ensuite, on voit un petit peu ce côté misérable que connaissent tous ceux qui ont cherché des appartements, les visites d'appartements qu'on annonce de magnifiques trois pièces vues sur jardin, etc. Et on arrive toujours dans des appartements misérables venant sur des courettes. Je crois que vous avez pu au passage indiquer tout ça, parce qu'enfin, c'est ça aussi le cinéma, c'est qu'il y a de l'image. Oui, et puis je crois qu'il y a une chose qui est quand même très importante dans le cinéma, c'est de bien situer un film, une action, dans une époque donnée. Ensuite, Jacques arrive chez lui et il trouve sa femme dans les bras d'un joli blond. On est d'abord un petit peu surpris, je pense comme lui doit l'être un petit peu, et on s'aperçoit que, oui, lui ne l'est pas spécialement, oui, mais enfin... Surpris. Alors, est-ce que, voilà un exemple intéressant, est-ce qu'au moment où vous avez tourné cette scène, vous vouliez qu'il marque la surprise et Danner n'y tenait pas? Je voulais que le spectateur marque une certaine surprise. Effectivement, on est un petit peu surpris lorsqu'on voit Viviane dans les bras de ce beau blond. Puis finalement, ça fait partie de la vie quotidienne, c'est-à-dire que Fernand, le photographe, fait une photo publicitaire dans l'appartement et Viviane est dans le lit conjugal avec un monsieur. La photo se termine. Et Fernand propose au couple de dîner avec eux, mais Jacques est claqué et suit une petite scène avec sa femme. Plan numéro 50, plan rapproché de Jacques et de Viviane. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a que j'ai passé la journée dans ce plume et j'en ai marre. Tu sais, j'aurais bien passé la mienne aussi. Viviane hausse les épaules et sort du lit. Sa chemisette de nuit lui vient au ras des fesses. Panoramique, elle va dans la cuisine où elle s'affaire à moitié nue. 51, plan rapproché de Jacques. Il la regarde en souriant et dénoue sa cravate. Derrière lui, des photos publicitaires de Viviane qu'elle a punaisées un peu partout sur les murs. 52, plan moyen, travelling précédent Viviane, qui avec le même genre de pose qu'elle prend sur ses photos, revient de la cuisine en portant un plat de ravioli. Nous entendons la voix de Jacques. Tiens, une belle photo pour Butoni. Panoramique, cadrant le couple en plan rapproché, qui mange sur le lit, sans se parler. Jacques est très gentil, passant les plats, servant Viviane, mais la jeune femme ne répond absolument pas à sa sollicitude. Panoramique, travelling, Jacques enlève le plateau, le dépose à la cuisine. Panoramique, qui s'installe dans son fauteuil, regarde la fenêtre. Façade hôtel extérieur nuit, 53, plan éloigné, légère plongée. En face, la femme feuillette toujours ses magazines, mais cette fois elle est au lit avec un homme. Appartement Jacques, intérieur nuit, 54, plan moyen de Viviane, qui lit un numéro de Cinémonde. Elle a à peu près la même pose que la femme, et on sent qu'elle doit lire le même genre de magazine. Jacques entre dans le champ, il va près d'elle sur le lit, il la caresse, mais elle ne se laisse pas faire. Travelling panoramique, il se lève, allume le pick-up et met un disque. Musique arabe, un chanteur râle toujours le même refrain. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, بعد سلام يروح جنان حبيبي بعد لي بريان. Panoramique, Jacques se rassoit, voix de Jacques. Je crois que j'aime surtout ce disque parce qu'il horripile tout le monde. Panoramique, Jacques remet le même disque sur le pick-up. Plan rapproché de Viviane, elle gueule d'abord en imitant le chanteur. Jacques, arrête ça ou je vais devenir dingue. Plan rapproché de Jacques qui arrête le disque. Plan moyen de Viviane qui étudie des coiffures devant son miroir en jouant à la star. Plan rapproché de Jacques, de son fauteuil, il la regarde. Je ne peux pas dire exactement comment c'est venu. Peut-être tout simplement, j'ai pensé que j'étais vache avec elle. Et puis, elle m'a fait vraiment pitié. Alors rien que pour la voir sourire, j'ai lâché. Viviane, si on se mariait. Alors là, on a un plan moyen de Viviane qui est d'abord surprise, puis qui bondit hors de son lit, panoramique, elle se précipite sur Jacques en l'embrassant. Cette phrase, je l'avais dite presque sans m'en rendre compte. Et c'est seulement le lendemain que j'ai compris où j'avais mis les pieds. Il faudrait faire quand même une petite parenthèse encore. Le démarrage de l'action joue sur des petits déclics de rien du tout. Finalement, on voit rarement dans un film, et pourtant on le voit souvent dans la vie, ce sont des faits qui ont l'air insignifiants, qui engendrent les choses les plus importantes. Et bien, par exemple, cette proposition de mariage de Jacques à Viviane naît uniquement d'un sentiment de pitié à un certain moment, et puis ça va engager sa vie et celle de Viviane pour très longtemps et de façon déterminante. 64, plan rapproché, travelling précédent Jacques et Viviane qui marchent l'un à côté de l'autre en parlant. Faudra que je pense à ma robe. Ça serait peut-être bien en blanc. Ah ouais, c'est une excellente idée. Mais alors on se marie à la Madeleine. Les grandes orgues et tout. J'aime la belle musique et puis j'aurais l'impression d'épouser une vraie jeune fille. Te fiche pas de moi. Pour le repas, il faudra aussi qu'on décide. Tu me diras, je sais pas encore si je vais me marier avec ou sans chapeau. Puis je demanderai à Nicole d'être mon témoin. Ça, évidemment, on invite Fernand. Et les parents? Écoute, Viviane, fais ce que tu veux, mais pas les parents. C'est notre mariage, ils se foutent pas mal de ce qu'on fait. Il y aura qu'à le réécrire après. Au revoir. Et on reste sur Viviane qui est un petit peu surprise et peinée. Maintenant, nous passons boulevard de Clichy. Jacques entre dans un gymnase où il rencontre un de ses amis qui est trapéziste, qui s'appelle Paul. Jacques. Salut, Paul. Paul, ça va? Jacques, je vais me marier. Paul, non, c'est pas vrai. Jacques, si, je t'assure. Ben, ne fais pas cette tête-là. Paul, je comprends pas. Quelle idée? Et avec qui? Jacques, Viviane. Paul, oh. Jacques, est-ce que tu accepterais quand même d'être mon témoin? Paul, non, je ne peux pas. Je pars en Espagne pour un mois. Alors, à ce moment-là, une jeune femme descend une corde lisse et Jacques l'avait remarqué. Paul fait les présentations. Jacques, Ina. Regarde bien, tu vois un homme qui va se marier. Alors Ina sourit, s'en va. Paul, elle est mignonne. Jacques, oui. Paul, tu te rends compte de tout ce que tu vas perdre? Ça t'a pris quand? Jacques, il y a quelques jours. Paul, mais pourquoi? Jacques, peut-être pour avoir la conscience tranquille. Et toi, tu es content? Paul, oui, je crois que je prépare quelque chose de très bien, un double saut périlleux. Alors nous n'entendons pas ce que dit Paul, et pendant que nous le voyons expliquer à Jacques son numéro par geste, la voix de Jacques dit: on a bavardé un moment avec Paul. Finalement, c'était mon seul copain. Mais on ne se voyait jamais. C'était peut-être mieux comme ça. Jacques s'éloigne, Paul remonte sur son trapèze et on a un plan rapproché de Paul, la tête en bas, qui dit: et surtout, réfléchis bien encore. Jacques, d'accord. Alors je lis, appartement Jacques, intérieur jour, 78, plan moyen, le lit est défait, l'appartement sans dessus-dessous, Viviane en combinaison, passe et repasse en attrapant ses affaires au vol. Bon, Jacques, qui a juste mis son pantalon et une chemise, regarde en nouant sa cravate des prospectus épinglés au mur. 79, gros plan de Jacques qui regarde les prospectus suivis en travelling latéral. Ce sont des prospectus qu'on envoie à la veille d'un mariage, pour la robe de mariée, les alliances, les photos de famille, les couches du futur héritier, etc., etc. Plan rapproché de Viviane qui a passé sa robe et mis son chapeau. Elle se regarde dans la glace. Travelling la précédente qui s'approche de Jacques et lui présente son dos. Viviane. Tu peux m'agrafer ma robe ? Travelling panoramique cadrant le couple en plan rapproché. Jacques s'assoit sur le lit, commence d'agrafer la robe entrouverte sur le dos nu de Viviane. Jacques. Tu es vraiment jolie, tu sais. Oh, allez, dépêche-toi. Jacques embrasse Viviane, elle se débat. Jacques réussit à enlever la robe, il fait tomber Viviane sur le lit, et bien qu'elle se débatte de plus en plus nerveusement, il lui retire sa combinaison. Viviane n'a bientôt plus que son chapeau sur la tête. Chérie, non, va être en retard, non, Jacques, voyons, Jacques, allons, Jacques. Et nous entendons toujours la voix de Viviane sur une image de la mairie du 18e. 81, plan moyen d'un taxi qui s'arrête devant la mairie. Jacques et Viviane descendent et rejoignent monsieur et madame Kerbel, Fernand et Nicole qui font le pied de grue. Escalier de la mairie, intérieur jour, plan moyen, ils montent à toute allure, grande salle mairie. Plan éloigné, ils s'assoient sur les banquettes du fond de dos au premier plan. La salle est pleine de couples qu'on marie à la chaîne. Bois du maire, de l'huissier et marche nuptiale sur pick-up. Voix de Jacques. On se serait cru à l'église. C'était presque aussi sinistre. Marche nuptiale, huissier, discours, clac, clac, amen. 84, plan rapproché de Viviane qui n'arrête pas de se regarder dans son petit miroir. Elle se remet du rimmel et se tourne vers Jacques. Viviane à voix basse. Tu crois que ça se voit pas trop ? Non. L'huissier dit Valin Jacques et Calvo Viviane. Il se lève. Plan moyen raccordant le mouvement de la noce qui va au premier rang de face et s'assoit. Viviane a la larme à l'œil. Jacques pense à autre chose. Bon, alors là, je suis quand même obligé de résumer. C'est un mariage qui fait rire, parce qu'il est vu, dans le fond, par Jacques. Il est vu un peu de l'extérieur, et il n'est absolument pas ému. Il le dissèque, alors que Viviane, au contraire, est extrêmement émue. Et prend, dirons-nous, ce mariage très, très au sérieux. Vous avez reconstitué les mariages, ce qu'on appelle les mariages du samedi, je crois. C'est-à-dire, ce sont des mariages où les couples passent les uns après les autres à assez grande vitesse. Je vais vous dire, presque tous les mariages dans les mairies parisiennes se font, si je puis dire, à la chaîne. Et il faut payer un petit supplément lorsqu'on veut être marié seul. D'ailleurs, le supplément est modique. Je dois le dire à la décharge de la République française. Mais effectivement, le samedi, surtout au printemps, on assiste à des mariages à la chaîne avec la plupart du temps les mariées qui sont enceintes jusqu'aux yeux et même souvent la mariée qui n'est pas là parce qu'elle est en train d'accoucher. Mais il y a un détail qui m'a frappé que je n'ai pas remarqué. L'huissier qui met la marche nuptiale, c'est vous ? Alors, c'est une chose à laquelle avait assisté ma femme. C'était à la mairie, je crois, de Saint-Mandé. Oui, j'ai assisté au mariage de ma sœur. Comme ça, il y avait la marche nuptiale. C'était très émouvant. Alors... après le mariage, ils font tous une photo devant la mairie. Viviane regarde tout le temps dans l'appareil en prenant des poses de cover girl. Et Fernand, le photographe, lui dit « Ne regarde pas tout le temps dans l'appareil, tourne-toi un peu vers ton mari. Fais attention, je la ferai passer dans Cinémonde. » Bon. Alors, on retrouve la noce dans un petit café, le début de la scène, un petit peu l'enthousiasme de la noce, tout le monde boit. Et Madame Kerbel, je crois que Anna Geller pourrait jouer le rôle de Madame Kerbel, en veine de confidence, entreprend le jeune marié, c'est-à-dire Jacques, Madame Kerbel. Dites-moi, Jacques, est-ce que vous n'êtes pas d'origine bretonne ? Non, madame. Ah, tiens, c'est drôle. J'ai connu des Valins à Daoulas qui étaient alliés à mes arrière-grands-parents de la Nièvre. Ça n'a rien d'étonnant, madame. En fait, ma famille vient de Pologne. Valin n'est qu'une abréviation de Walinowski. Il y a même eu un Walinowski, mon grand-père, qui était très célèbre. Tiens. Oui, il est mort sur l'échafaud. C'était un anarchiste, un peu satire sur les bords. Sa spécialité, la bombe et les petites filles. Et je crois qu'il préférait encore les petites filles à la politique. Oh, c'est affreux. Rassurez-vous, madame, je n'ai pas hérité ses petits défauts. Regardez Viviane, est-ce qu'elle a l'air d'une fillette ? Dans le silence général, Jacques embrasse sa femme et continue. Bref, je ne suis pas breton. Si je remonte mon arbre généalogique, évidemment, je ne trouve que des Polonais, des Hongrois, des Roumains, des Valaques, en fait, toute l'Europe, central, quoi. Enfin, pas un breton. En cherchant bien, il y avait encore un Walinowski qui était juif, grand rabbin de Cracovie, je crois. Et une de mes grandes tantes qui s'est fait enlever par un arabe. Ça, j'avoue, c'est le côté le plus inquiétant de ma famille. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup la Bretagne et le Beaujolais. Jacques vide son verre, ravi de son effet. Il faut dire qu'il l'a parfaitement réussi. Madame Kerbel est outrée, son mari est aux anges. Plan moyen de la noce de dos, le patron rompt le silence. C'est prêt, vous pouvez monter. Tous montent au premier étage, sauf Jacques. Alors, 99, plan moyen de Jacques Dedos qui reste seul au comptoir. Il boit un autre verre. Travelling avant, très lent, un rayon de soleil illumine le comptoir. 100, plan rapproché de Jacques de face, travelling avant très lent, il regarde droit devant lui ailleurs. Les bruits de la rue, les bruits du café cessent progressivement. Voix de Jacques. De nouveau, je me suis senti bien comme l'autre jour. Je ne pensais plus à rien. Plan rapproché, travelling avant très lent sur les bouteilles du comptoir. Plan rapproché de Viviane qui descend. Jacques, tu viens ? Non, je me tire, ils m'emmerdent tous. Enfin, chérie, on peut pas leur faire ça, tu te rends pas compte ? Si, parfaitement. Mais Jacques, tu es fou ! C'est possible, mais je fiche le camp. Vous nous excuserez, mon mari ne se sent pas bien et nous devons partir. Alors, là, Jacques et Viviane quittent le café. On les retrouve désemparés, place Blanche. 106, plan éloigné. Il est 2 heures à la grande pendule du métro quand Viviane et Jacques se retrouvent place Blanche, se tenant par la main, ne sachant pas trop quoi faire. Self-service, intérieur jour, 107, plan moyen de Jacques et Viviane qui s'assoient l'un à côté de l'autre à une sorte de petite table bureau. 108, plan rapproché des deux de dos. Sur le miroir en face, ils se voient. Viviane a son chapeau tout de travers. Jacques lui sourit. Viviane aussi, elle n'a pas l'air de lui en vouloir. Tout d'un coup, elle se tourne vers lui inquiète. C'est vrai que tu t'appelles Walinowski ? Non, c'est des blagues. Alors on les retrouve sur les Champs-Élysées. Et nous avons une suite de travelling latéraux. On les voit, elle est toujours dans sa robe de mariée. Lui un petit peu dans son costume sombre qui font tache parmi les badauds. Et qui regardent les vitrines, ils ne savent pas quoi faire. Avant, je m'excuse, avant, on les a vus entrer dans un cinéma qui joue un film d'épouvante. On les reprend le soir, de nouveau à Pigalle, dans une brasserie, c'est le café de la Cigale. Plan éloigné, 115, plongé, c'est une brasserie où les bourgeois du quartier viennent écouter un orchestre de noir, moitié américain, moitié antillais, musique de jazz. 116, plan rapproché, Jacques et Viviane sont attablés devant deux demi. La jeune femme embrasse son mari. Boulevard de Clichy, extérieur nuit, 117, plan éloigné. Jacques et Viviane marchent un moment, puis rentrent dans un hôtel suivi en panoramique. Les enseignes de Pigalle scintillent dans la nuit. Voix de Jacques. Après, je n'ai pas voulu rentrer à la maison. On est allé à l'hôtel. Sur l'affiche, j'ai inscrit Monsieur et Madame Valin. On était mariés, quoi. Le lendemain, Jacques va au bureau et... Madame Kerbel a été outrée par le lapin et le petit scandale qu'il a causé. Et Jacques, au lieu de s'excuser, ne fait qu'aggraver son cas et se fait fiche à la porte de son bureau, ce dont il est ravi. Monsieur Kerbel, un petit peu honteux du fait que sa femme a renvoyé Jacques, lui donne un peu d'argent. Jacques va dans la cabine du téléphone, il appelle sa femme, qui n'est pas là. Viviane n'avait pas l'air d'être là. J'ai pensé qu'après tout, c'était peut-être mieux de ne pas la prévenir. J'avais de l'argent, et on était tranquille pour un mois. Après, nous avons un plan rue de Douai, un extérieur jour, plan moyen de Jacques, qui s'éloigne dans la rue ensoleillée, et voit Jacques. Dans le fond, j'étais heureux. Ce qui m'arrivait, c'était ce que j'avais toujours souhaité, et jamais osé faire. Et on le revoit le soir, qui revient dans sa petite rue de Montmartre, qui passe près d'un marchand ambulant qui vend des fleurs. Il lui achète un bouquet de fleurs, et en passant devant une vitrine, il aperçoit son reflet, il revient sur ses pas, il se regarde avec son petit bouquet, il dit... Avec mon petit bouquet, j'avais vraiment la tête d'un bon petit mari. Il rentre dans l'appartement, le soir, c'est une pénombre. Il met les fleurs dans un vase. Le téléphone sonne. Jacques. Allô ? Allô, chérie ? Excuse-moi, mais j'ai encore quelques photos à faire. Je rentrerai pas avant 11h. Il y a des rognons sur la cuisinière, tu n'auras qu'à les faire chauffer. Bon, à tout à l'heure. Ça va? Ça va. Tu m'aimes? Je t'aime. Jacques va dans la cuisine, il regarde le plat et puis il le referme, mais il mange pas. Il revient dans le living room. Il s'assoit sur le tapis. Il fait presque nuit. Les enseignes commencent d'éclairer la chambre. 129 flamboyants de la chambre. Dans la pénombre, seul le vase brille. Travelling avant très lent sur cet objet. C'est une coupe affreuse en métal argenté. Voix de Jacques. Viviane l'avait gagné à un concours de beauté. Viviane m'a tout de suite plu. Le genre de femme auquel je pensais quand j'étais môme. Une petite gravure de mode. Alors, là-dessus, nous passons sur la piste où Viviane et Jacques dansent. D'abord sans se parler. Puis un petit peu la scène classique de dancing. On ne sait pas trop quoi se dire. Et voilà, le dialogue qui suit pendant qu'ils dansent un slow. Est-ce que vous dansez bien? Je suis sûr que vous ferez du cinéma. Pourquoi? Vous travaillez dans le cinéma? Non, dans les appartements. Oh, bah c'est formidable, justement, j'en cherche. Et nous passons sur l'appartement de Jacques. Mais alors, enfin, l'appartement, le futur appartement de Jacques et de Viviane, qui est un appartement complètement délabré, il n'y a pas de meubles. Et Jacques le fait visiter à Viviane. Et là, je peux vous poser une question sur le scénario. Je vois donc l'appartement de Jacques. Et vous marquez que caméra axée sur la chambre à coucher. L'appareil est au sol. Pourquoi cette indication précisément à cet endroit? L'appareil est au sol parce que ils sont assis par terre, comme il n'y a pas de meubles. Donc, pour être à leur hauteur, il faut que la caméra soit au sol. Tout simplement. Bien tout ça. Donc là, nous assistons à la première scène où ils flirtent ensemble. Ils s'embrassent à la lumière des enseignes au néon de Pigalle. Travelling avant très lent, ils s'embrassent, puis flirtent étendus maintenant par terre. Tout en se dépattant, Viviane balance ses chaussures en l'air d'un petit coup sec. Travelling isolant ses pieds nus qui frétillent, voix de Jacques. Je crois que j'avais jamais vu quelque chose d'aussi joli. Qui sait, je l'ai peut-être épousé à cause de ses pieds. Alors, nous enchaînons sur le présent. Et nous avons... Appartement Jacques, intérieur nuit, 134, plan rapproché de Jacques, qui est allongé dans son lit en pyjama. Il fait semblant de lire son journal, tout en surveillant sa femme du coin de l'œil. 135, plan moyen de Viviane, qui entre dans la chambre et la salle de bain, se déshabille de façon provocante. Elle met une petite chemise de nuit et court se glisser dans le lit, suivi en travelling panoramique, jusqu'en plan rapproché des deux. Elle enlève de force le journal des mains de son mari et se pelotonne contre lui. Serre-moi fort, mon chéri, sois un peu tendre avec moi. Ah, mon chéri, comme je t'aime. Elle le couvre de baisers. Jacques attend que l'orage passe. Il embrasse Viviane sur le front. La main sur l'interrupteur de la lampe, il dit presque en souriant. Ah, tu sais, à propos, j'ai été viré. Et Jacques éteint avant que Viviane ait eu le temps de le questionner. Appartement Jacques, intérieur jour, 136, plan rapproché de Jacques qui, devant le miroir de la salle de bain, se rase à toute allure, tandis que dans la pièce à côté, Viviane téléphone. On l'aperçoit dans le miroir. Bruit du rasoir électrique, bavardage indistinct de Viviane et voix de Jacques. Viviane téléphonait avec Nicole, elle en avait sûrement pour pas mal de temps et je voulais m'en aller avant qu'elle ne me demande de sortir avec elle. Jacques finit de se raser, 137, plan moyen raccord dans le mouvement de Jacques qui passe dans la chambre. Viviane raccroche. Fernand nous prête sa voiture. On peut aller faire une balade en amour à la campagne. C'est merveilleux, non? Oui. Alors là, je résume la scène parce que comme c'est une scène qui est en découpage excessivement haché, je ne crois pas que ça rendrait grand-chose. Jacques et Viviane font un pique-nique à la campagne. Jacques n'avait pas tellement envie de faire ce pique-nique. Elle est heureuse, elle est toujours amoureuse de son mari et il y a toujours cette espèce de décalage entre les deux. Pendant que sa femme qui a bien bu, repose sa tête sur ses genoux. Jacques regarde la campagne autour de lui et il dit « La campagne, j'en rêvais toute l'année. Et quand j'y étais, je m'embêtais. La poésie du petit moineau, du saule pleureur, je n'y comprenais rien. » 143, plan rapproché de Jacques qui soulève la tête de Viviane bien délicatement. Il la repose sur le plaid. Panoramique, il s'éloigne. Il va au bord d'un lac. s'amusent en jetant des pierres dans l'eau. Et puis tout d'un coup, il y a sa femme qui l'appelle. Jacques ? Jacques ? Et on ne sait pas pourquoi, Jacques se cache tout d'un coup dans les buissons. Et puis au début, Viviane, qui n'était pas inquiète, s'affole de plus en plus et crie « Jacques ! Jacques ! Jacques ! » On voit Jacques en gros plan, qui l'observe sans bouger, et il prend une espèce de plaisir malsain à voir sa femme qui essaye de le retrouver, qui s'énerve, qui s'inquiète de plus en plus. Elle passe tout près de lui, il ne se manifeste pas. Et puis elle revient, en criant encore, et en s'effondrant sur le plaid qu'ils ont disposé pour leur pique-nique. Et puis, Jacques revient. Et Viviane le regarde, plan rapproché de Viviane. Elle regarde drôlement son mari. Elle lui dit... On part. On les reprend, les deux de face, dans la voiture. Jacques conduit. Viviane regarde droit devant elle sans parler. Viviane, après un temps, et à voix très basse, comme pour elle-même... Tu l'as fait exprès. Le lendemain, l'appartement de Jacques, intérieur jour, 156... Plan moyen de Jacques qui embrasse Viviane qui est encore au lit. Jacques. À ce soir, ma chérie. Je vais chercher du travail. Il s'en va. Et alors là, on le retrouve qui s'attable dans un café devant un Diablo Grenadine. Il regarde le verre avec les petites bulles qui s'en vont. Et de nouveau, il arrive à retrouver cette espèce de quiétude, d'isolement, des bruits et de tout ce qui l'entoure à travers justement ces petites bulles qui s'élèvent dans le verre. Ensuite, il regarde les appartements et puis il est repris un peu par son ancien métier et il dit par exemple, en voyant un balcon, magnifique trois pièces, cuisine, salle de bain, beau studio, grand balcon, tout confort, etc. Et puis de nouveau, il arrive à s'isoler et il n'entend plus rien. Nous le reprenons dans la loge d'un grand music hall où il va voir son ami Paul. Paul, passe-moi mon peignoir. Tu as l'air en pleine forme. Est-ce que tu t'es marié, Jacques? Non, au dernier moment, j'ai calé. Paul, tu as eu parfaitement raison. À mon avis, tu n'es pas fait pour le mariage. Jacques, je crois aussi. Je ne peux pas supporter de me sentir emprisonné. Paul, et tu es avec qui maintenant? Jacques, devine. Paul, je ne sais pas. Jacques, une négresse. Paul, sans blague. Donc là, il accompagne son ami dans les coulisses du music hall. Et? Et elle est jolie. Très. Toute menue, des petits seins en pointe, de longues jambes, et une jupe qui se relève sur un petit... Enfin, le rêve, quoi. Paul, dans le fond, tu voyages plus que moi. Parce qu'entre nous, en Espagne, zéro. Jacques, oui, maintenant, il me manque plus qu'une chinoise et j'aurai bouclé mon tour du monde. Paul, j'ai réfléchi. Peut-être... J'ai peut-être quelqu'un pour toi. Seulement, il faudrait que tu fasses attention, c'est une contorsionniste. Jacques, n'en fais pas, je suis resté souple. Alors, l'orchestre attaque une valse lente. Paul quitte son ami. Tu me téléphones, on se voit bientôt. Jacques, c'est ça, on s'appelle. Vois Paul qui commence son numéro et Jacques qui le regarde. Et pendant que Paul fait son numéro, on entend la voix de Jacques. C'était un vrai acrobate. Même dans la vie, il ne descendait jamais tout à fait de son trapèze. 192, plan rapproché de Jacques, il rejoint Viviane dans le lit. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as trouvé quelque chose? Non, je me suis baladé. Tu t'es baladé? Oui. Je me suis baladé. Ah bon? Après tout, tu as peut-être raison. Tu as besoin de te reposer. Viviane, l'air déçu, met son masque, ses boules qui essent et embrasse Jacques. Dans le noir, elle commence de respirer bien régulièrement. Respiration de plus en plus forte. Et voix de Jacques. Jamais ce bruit qu'elle faisait en dormant ne m'a paru aussi fort. Nous enchaînons sur le bois de Vincennes. Où Jacques s'assied devant un arbre, un très bel arbre. 3 jours de suite, je suis allé au bois de Vincennes pour regarder un drôle d'arbre qui avait l'air d'éclater dans tous les sens. Je suis un plan excessivement important, tandis qu'un gardien parle à Jacques de cet arbre en termes extrêmement précieux. Jacques, encore une fois, arrive à s'isoler, à se perdre dans cet arbre, comme il s'est perdu déjà dans la contemplation de ces bulles dans le verre, des billes de billard électrique, des verres dans le café le jour du mariage. De nouveau, il arrive à conquérir cette espèce d'évasion, d'extase dans la contemplation d'objets. Cette scène nous a amené à plusieurs critiques et moi-même à vous poser la question. Cette contemplation de l'arbre semblait tout d'un coup une ouverture vers autre chose que la vie quotidienne. Et vous savez que dans la philosophie zen, la contemplation de l'arbre est très importante, la contemplation de la nature. Et je crois que vous en étiez plusieurs à vous demander si dans ce film il fallait chercher une explication du côté des philosophies orientales, des techniques même de l'Orient, qui font que beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs en Occident, pour s'évader de ce monde difficile, bruyant, affolé, déséquilibré, se tourne vers des philosophies traditionnelles de recueillement, de contemplation. Et vous savez qu'un moine zen peut rester la journée entière à fixer le même objet. Et nous avons eu l'impression que cette scène était une scène zen. Nous sommes trompés. Je vais vous dire, c'est assez drôle parce que j'ai été présenter le film au Festival de New York. Et les critiques, enfin, certains critiques ont dit, voilà le premier film zen occidental. Et en fait, non, je n'ai jamais lu d'ouvrage philosophique zen, absolument pas. Non, je crois que dès qu'on touche à l'esprit, dès qu'on touche à la psychologie, on n'invente rien. On retombe toujours sur des idées qui ont existé et qui sont là, quoi. Et alors je crois que cette scène qui est très visuelle, néanmoins, et c'est là l'intérêt pour nous de la lecture d'un scénario, je crois que par les indications de plan, vous nous donnez là quelque chose qu'on peut comprendre à la lecture. J'espère. Alors, 198, travelling circulaire et pancinor, l'arbre s'anime, va bouger, il tourne sur lui-même, il s'approche et s'éloigne, il a sa vie propre. Dans le mouvement, nous découvrons un gardien qui entre dans le champ et s'approche de Jacques, qui assis dans une toute autre position qu'au début de la scène et habillé différemment, sort d'un rêve. Le gardien commence à lui expliquer et de nouveau, nous repartons dans l'arbre, dans un travelling à la grue. Pendant que le gardien finalement ne lui indique quelle est la variété d'arbre, c'est-à-dire il lui donne une indication purement scientifique. Absolument. Okay. Donc ce sont deux préoccupations absolument divergentes. Pendant que le gardien donne des indications techniques sur l'arbre et lui propose de lui montrer d'autres arbres de la même espèce, Jacques le coupe. Non, je m'en fous. Et je vous dirais même que je déteste les arbres. Deux samples en moyen de Jacques debout dans le compartiment qui rit tout seul en pensant la tête que faisait le brave homme. Plan moyen, en face, un type au teint terreux le regarde. Il a l'air furieux de voir Jacques rire tout seul. Plan rapproché de Jacques. J'ai essayé de le fixer droit dans les yeux, mais sans le regarder. 203, plan rapproché du voisin qui finit par détourner la tête. Appartement Jacques, intérieur nuit. 204, plan rapproché de Jacques qui, à table, le soir, fait la même chose avec sa femme, placée presque en face de lui. 205, plan rapproché de Viviane qui met la main sur ses cheveux pour les arranger. Elle est de plus en plus gênée. Viviane. Pourquoi tu me fixes comme ça? Plan rapproché des deux. Cet après-midi, j'ai fait une expérience. Je crois que j'ai réussi à supprimer à volonté les gens que je regardais. Quoi ? Oui, ma chérie. On peut faire beaucoup de choses si on veut. J'ai déjà réussi à faire vivre un arbre. Maintenant, je peux rendre les gens invisibles. Viviane regarde son mari sans comprendre. Ou bien tu te fiches de moi, ou bien ça va pas du tout. Mais non, je t'assure. Tiens, je vais m'entraîner avec toi. Un demi-gros plan de Jacques qui regarde sa femme fixement. En ce moment, je te regarde, mais je ne te vois pas. Plan rapproché de Viviane. Au lieu d'apprendre à ne pas voir, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Tu n'as même pas remarqué que j'avais changé de couleur de cheveux. Panoramique, Viviane se lève en arrachant la nouvelle perruque qu'elle vient d'étrenner. Salle de bain, Intérieur jour, 209, plan rapproché de Jacques qui, devant le miroir de la salle de bain, commence de nouer sa cravate. Voix de Jacques. Un autre jour, il m'a semblé que c'était la première fois depuis 10 ans que je me voyais dans un miroir. Il s'arrête, se regarde attentivement et parle seul. Encore quelques cheveux blancs et j'aurai une vraie gueule de séducteur. Travelling reculant avec Jacques qui regarde son profil droit puis son profil gauche. Jacques fait bouger ses traits artificiellement. Il se force à sourire, à prendre un air triste. Il fait plusieurs grimaces comme pour bien se prouver qu'il est là devant le miroir. Son visage devient immobile. Jacques continue à se regarder. Viviane survient. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je me regarde. C'est intéressant. Tiens, par exemple, je suis sûr que tu n'avais jamais remarqué que ta narine gauche était un peu plus grosse que l'autre. Mais non, tu plaisantes. Absolument pas. Viviane s'en va. Jacques finit de nouer sa cravate en souriant. Il sort. 210. Plan moyen de Jacques de face qui rentre dans la chambre et qui aperçoit sa femme au premier plan qui se regarde consciencieusement et avec inquiétude dans son petit miroir. Elle avait de quoi s'occuper pour la journée. Jacques s'en va. Palier, premier étage et rez-de-chaussée intérieur jour. Plan moyen de Jacques, caméra au rez-de-chaussée, qui arrive sur le palier du premier étage. Panoramique, en descendant l'escalier, il compte machinalement les marches. Voix de Jacques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiens. Surpris, Jacques remonte au premier étage, toujours en montant, suivi en panoramique. Voix de Jacques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De plus en plus étonné, il redescend, suivi en panoramique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'apprête à remonter. 212, plan rapproché de la concierge qu'il regarde sans comprendre. 213, plan rapproché de Jacques qui sourit et lui fait un grand salut. Panoramique, il sort dans la rue. Grand boulevard, extérieur jour. 214, plan moyen panoramique de Jacques qui s'arrête devant la vitrine d'un grand quotidien où sont affichées les pages de l'édition du matin. Il regarde les offres d'emploi. Recherchons hôtesse d'accueil. Dame, bonne présentation. Travelling latéral suivant Jacques de dos qui passe à une autre colonne. Centre hospitalier recrute une sage-femme expérimentée. Gouvernante, femme de chambre, concierge, modèle nu. Recherchons rectifieur, décolleteur, fraiseur, ajusteur, câbleur, soudeur, perceur, ingénieur, directeur, 7000 francs par mois. Plan rapproché de Jacques de face qui essaie de penser à un sourire satisfait. Appartement Jacques, intérieur nuit. 227. Gros plan d'un œuf à la coque que Jacques coupe par le milieu. 228. Plan rapproché de Jacques et de Viviane à table. Avantage à Jacques. Le jeune homme regarde le liquide couler lentement sur la coque et sur la nappe comme quelque chose de vivant. Tu devrais faire attention. Il n'y a rien d'autre à manger. Ça va si mal ? Non. Mais je ne dois pas toucher d'argent avant quelques jours. C'est pas avec ce que tu gagnes. Ne t'en fais pas, je cherche beaucoup. On m'a proposé quelques situations plus ou moins intéressantes d'ailleurs. Rectifieur, décolleteur, fraiseur, ajusteur, câbleur, soudeur, colleur, perceur. Mais j'ai refusé tout ça. Finalement, je crois que je vais accepter une place de directeur à 7000 francs par mois. Plan rapproché des deux, Viviane s'arrête de manger. Tu blagues ? Non, pas du tout. C'est une nouvelle agence qui va s'ouvrir aux Champs-Élysées. Alors tu comprends, avec mes références, ils n'ont pas hésité. Travelling panoramique, suivant et précédant les jeunes gens qui se lèvent et vont sur le lit. Viviane n'en revient pas. Quand même, ça serait formidable. J'arrive pas à y croire. Tu as tellement envie d'avoir de l'argent. Jacques écoute distraitement en dénouant le peignoir de Viviane. Non, du moment que je suis avec toi, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, tu te rends compte de tout ce qu'on pourrait faire ? Quoi ? La caméra, maintenant, de l'autre côté du lit, s'approche. Jacques enlève lentement la combinaison. Mais je ne sais pas, moi. Tiens, c'est vrai, j'y avais jamais vraiment pensé. Je crois que d'abord, on pourrait prendre un appartement plus grand. Un 5 pièces. Parce que je veux avoir des tas de gosses. Pourquoi tu souris ? Je pense qu'en mettant de l'argent de côté, je pourrais aussi t'aider à faire des films en vedette. En couleur, j'espère. C'est ça, en couleur et en cinémascope, si tu veux. La caméra s'approche pour ne plus cadrer que Jacques qui regarde de très près le dos nu de Viviane. Il découvre des grains de beauté, des plis, des dessins qu'il ne connaissait pas. Tout un paysage. Viviane off. Un peu plus tard, on achèterait une petite maison à la campagne, au bord d'une rivière. J'aime l'eau. Il ferait du jardinage. Il y aurait des tas de fleurs, des bêtes, les enfants. Les fourrures, j'y tiens pas. Ou alors quelque chose de discret. 232, gros plan du dos nu de Viviane, travelling panoramique. Jacques suit du doigt une courbe, puis une autre, comme dans un labyrinthe. Tu me chatouilles, arrête. Une pelisse, Un imperméable doublé de vison, une castor. Ça tape pas dans l'œil, évidemment, mais on a tout le plaisir pour soi. C'est mieux. Arrête! Est-ce que tu peux me chatouiller? Une forêt apparaît, ce sont les cheveux de Viviane, ses yeux, sa tête à l'envers qui rit. What, Jack? Un instant, je ne l'ai pas reconnu. Embrasse-moi. Plan rapproché des deux. Jack se lève, il prend son oreiller et va sur le divan à l'autre bout de la pièce, suivi en panoramique. Excuse-moi, je suis fatigué. Appartement Jack, intérieur nuit. 234, plan rapproché de Jack allongé sur le divan au premier plan. Au deuxième plan, à l'autre bout de la pièce, Viviane dort dans le grand lit. 235, un demi-gros plan de Jack qui a les yeux ouverts. Voit Jack. À force de garder les yeux ouverts, j'ai réussi à voir en noir. 236, plan moyen, caméra à la place du lit de Jack. Effectivement, le contour des objets, des meubles apparaissent puis les détails. Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le jour, c'est une autre lumière. Viviane se tourne et retourne dans son lit. Jack? Oui. Non, rien. Il y a une chose qui me frappe dans ce que vous dites, que je l'ai ressenti pendant le tournage du film, mais je ne l'ai peut-être pas compris aussi bien qu'en lisant ce scénario. Je suis assez obsédé par le cinéma subjectif, c'est-à-dire que je crois de plus en plus que le cinéma va s'enfoncer à l'intérieur des choses, qu'il ne s'agira plus de raconter des histoires, mais d'arriver au même résultat que le roman contemporain, c'est-à-dire de nous faire pénétrer à l'intérieur de la vision des personnages. Et en lisant votre scénario, je m'aperçois que ça joue une importance considérable. Vous avez dit tout à l'heure que la difficulté, et ce que vous détestez dans le cinéma, c'est les obstacles techniques, et je crois que c'est effectivement ce qui doit être difficile pour du cinéma subjectif, mais vous avez pu le réaliser. Oui, enfin j'ai pu le réaliser, mais je retrouve constamment ce genre de problème. Je vous donne un exemple. Bon, là, en face de moi, il y a ma femme, Anna et Charles, qui font... Ils font pas les idiots, mais enfin, ils se détendent, ils ont bien raison d'ailleurs. Bon, je ne sais pas, j'essaierai de décrire la scène, je vous l'ai décrite d'une certaine manière. Donc, la personne qui entend la description de cette scène, elle s'imagine derrière une table, avec le peu de détails que je donne... Chacun l'imaginera à sa manière. À partir du moment où je veux le filmer, c'est affreux, il y a la machine, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la photo dans toute son horreur. Déjà, dans une photo, vous prenez un monsieur comme Richard Avedon, il arrive à truquer tellement, je veux dire, à déformer tellement la photo qu'il rejoint l'interprétation de la peinture. Au cinéma, ça n'est pas possible. Ça l'est possible dans une certaine mesure, entendons-nous bien. Mais on ne peut pas rendre cette puissance d'évocation que vous avez, par exemple, ou en musique ou en peinture, parce que vous imposez aux gens une vision mécanique d'une réalité, et ça, malheureusement, le réalisateur se casse la tête contre sa caméra, et la caméra est un moyen, je ne dis pas, je ne peux pas employer de grands mots, c'est pas un moyen abject, mais enfin, c'est un moyen ultra rudimentaire, et plus vous essayez de lutter contre la technique en essayant d'imposer une vision, dirons-nous, simultanée d'une scène, plus vous faites de la technique. Alors vous arrivez à les monstruosités, les travelling qui sont absolument injustifiés, et finalement même les plus grands réalisateurs reviennent à un dépouillement technique total. C'est le cas de Robert Bresson actuellement. Alors moi, je vais même là vous poser une autre question, parce que moi aussi ce problème m'obsède dans le cinéma, où je trouve qu'il bute en ce moment contre certaines limites. Je trouve ces deux pages, et je vais même redemander à Denner de nous les relire, parce qu'on peut les lire presque comme un poème. Je pense que on pourrait réaliser cela en dehors du temps de tournage d'un film. On sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes matériels considérables, financiers. Dès qu'on démarre un film, il faut le faire le plus vite possible. Chaque jour coûte une fortune. Mais est-ce qu'un réalisateur ne pourrait pas aujourd'hui travailler comme un poète, et c'est-à-dire tout au long de son année, ramasser des plans, des images avec une caméra, et se dire, bon, et je les incorporerai dans mon prochain film, parce qu'au fond, c'est un univers qu'on rend de film en film, donc vous avez des plans qui pourront toujours servir. Un poète qui note un vers, il le placera dans un poème ensuite. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? C'est une idée, oui. Si vous voulez. Oui, c'est une idée, mais malheureusement... C'est comme ça que je voudrais faire du cinéma. Moi. Oui, mais malheureusement, il faut avoir l'esprit tranquille pour faire des choses pareilles. Or, la production d'un film, ou la réalisation d'un film, pose tellement de problèmes matériel qu'on arrive à cette sérénité qu'au tournage. Et puis une fois que le tournage est terminé, il faut sortir le film, et c'est très très difficile de pouvoir être suffisamment serein pour tourner à longueur d'année en toute quiétude. On va demander à Charles Denner de nous lire comme un poème cette série de plans qui vont, enfin, non, quand on dit comme un poème, c'est un côté prétentieux, mais je veux dire qu'il faut les, écouter comme une série d'images poétiques et qui s'insèrent absolument dans l'histoire que nous racontons, dans cet homme qui décolle de la réalité au fur et à mesure et qui s'est rendu très bien, je crois, par ce qu'a voulu le réalisateur sur son scénario. Travelling avant et panoramique sur une table de café au pied biscornu. À force de fixer cet élément de la table, de l'isoler, de l'examiner sous tous ses angles, Jacques ne distingue plus que des ornementations, des lignes qui font oublier la nature de l'objet. Travelling avant et panoramique dans jardin public. Le même phénomène se reproduit avec un merle qui sommeille sur une patte. Est-ce un oiseau minuscule ou un monstre à la fois paisible et redoutable? Un filon de pierre précieuse, une cascade pétrifiée, ce n'est qu'une bouteille à la forme étrange. Une machine à faire de l'orangeade coule comme une immense fontaine. Un monument, cette sculpture, dans la plus pure tradition du salon de 1895, apparaît bientôt comme une œuvre abstraite. Restaurant intérieur jour. Même un morceau de pain laisse entrevoir des cavernes et des grottes infinies. Ciel extérieur jour. Plan éloigné et panoramique d'un nuage qui prend tour à tour les formes les plus inattendues. Alors là, nous revenons maintenant au Grand Boulevard. 244, plan éloigné, un tourniquet de coiffeur animé d'un mouvement perpétuel au premier plan. Court travelling suivant Jacques qui se promène sur les boulevards déserts. Je me suis baladé dans la foule, et quand je l'ai voulu, j'ai rendu les gens transparents, muets. Les bruits de la rue, des voix métalliques extrêmement forts, diminuent progressivement et cessent. Compartiment de métro, plan moyen de Jacques qui voyage seul debout dans un compartiment de métro. Couloir du métro, plan éloigné, court travelling suivant Jacques qui traverse toujours seul un couloir du métro. Jacques gagne du terrain sur le travelling. Sur les murs s'étalent des affiches de Viviane qui sourit de toutes ses dents. Son doigt est pointé vers nous. On peut lire la légende suivante, « Faites-nous confiance ». Place de la Concorde, 248, plan éloigné, travelling latéral, suivant Jacques qui marche sur le trottoir vide. Voix de Jacques. J'ai changé les décors que je connaissais trop. Boulevard de Clichy, extérieur nuit, plan moyen de Jacques de face qui sort de la kermesse. Terre-plein devant le Sacré-Cœur, plan moyen panoramique de Jacques qui va s'appuyer à la rampe du terre-plein. Plan éloigné, Paris dans la nuit, quelques lumières clignotent. Voix de Jacques. J'ai eu envie de voir le jour se lever. Le jour se lève. Plan rapproché de Jacques, de profil droit à gauche de l'image. Devant lui, Paris avec le jour qui se lève. Le soleil frappe. Il illumine le visage de Jacques. Voix de Jacques. J'ai fait la nuit et j'ai refait le jour à volonté. Je n'étais pas ivre et pourtant je devenais plus léger, plus grand. J'ai marché dans Paris un peu comme Gulliver dans une ville de nains. Appartement de Jacques. 258, plan rapproché de Jacques qui rentre chez lui. Travelling arrière panoramique. Il découvre Viviane qui s'est endormie, tout habillée sur le lit, l'appareil téléphonique à côté d'elle. Elle a encore son chapeau sur la tête. Jacques s'approche. Viviane se réveille. Elle semble sortir d'un cauchemar. Jacques. Oui. Jacques s'assoit sur le lit. Viviane se serre contre lui. Mon chéri, enfin tu es là. Je suis tellement heureuse que tu sois revenu. Jacques est surpris par cet accueil. Il se lève, retire son veston. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Tu n'as pas préparé le dîner? Viviane le regarde sans comprendre. Elle ne répond pas. Ça n'a pas d'importance. Je prendrai un peu de fromage. Jacques part en chantonnant à la cuisine, accompagné en panoramique. Viviane le suit comme hypnotisé. 259, plan moyen caméra dans la cuisine de Jacques qui arrive de face, toujours suivi de Viviane. Il prend un morceau de fromage, du pain, deux assiettes, deux verres, une bouteille de vin, les couverts qu'il met sur un plateau. De temps en temps, il jette un coup d'œil à Viviane. Il continue de chantonner. 260, plan moyen, contre-champ du précédent, de Jacques de face, qui revient dans le living, toujours suivi par sa femme. Il pose le plateau sur la table et commence de manger. Viviane, debout, l'observe sans rien dire. Jacques, un peu gêné. Tu n'as pas faim? Viviane fait non de la tête et continue à le regarder. Tu n'en veux vraiment pas? Tu crois que j'ai envie de manger? Mais qu'est-ce que tu as? Et d'abord, pourquoi tu restes planté là avec ton chapeau sur la tête? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as dit depuis que tu es arrivé? Je t'ai dit bonjour, je t'ai demandé si tu avais faim, et pourquoi tu gardais ton chapeau sur la tête, c'est tout? Oui, c'est tout. Et tu ne penses pas que je suis folle d'inquiétude depuis 3 jours, que j'ai pu avoir peur? 3 jours? Oui, tu restes absent pendant 3 jours et tu crois que je t'ai attendu tranquillement. Je t'ai cherché partout. J'ai téléphoné dans les hôpitaux, j'ai failli appeler la police. Tu reviens au bout de 3 jours et... 3 jours? C'est impossible. Tu dois te tromper. Je t'ai quitté ce matin. Ce matin? Mais oui, ce matin. Viviane force Jacques à se lever, le faisant ainsi entrer dans le champ, le conduit devant le miroir placé au-dessus de la cheminée. Panoramique les accompagne. Viviane. Tiens, garde-toi. Gros plan de Jacques qui se voit. Il a une barbe de plusieurs jours. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Jacques revient et parle en marchant, précédé et suivi en travelling panoramique. Jacques s'éloigne de Viviane. Tu ne comprends pas? Il faut que je t'explique. Je suis heureux. Il m'est arrivé tant de choses. Je voudrais tout te dire. Tu vois, c'est curieux. Depuis des années, j'ai pas vécu. Merci. 266, plan moyen de sa femme qui s'agite comme une marionnette avec son chapeau sur la tête dans son grand numéro de femme jalouse. Travelling arrière, panoramique, jusqu'au plan moyen. Caméra à la place de Jacques. Tu hausses tes épaules. C'est facile. Mais moi, je t'attends depuis 3 jours. Regarde mes yeux. J'ai pas arrêté de pleurer. Et tu me parles de quoi? Depuis des années, j'ai pas vécu. Et c'est seulement maintenant que je prends le temps de vivre. Mais pourquoi tu m'as épousée? Dis-moi pourquoi. Tu me caches tout, c'est pas juste. J'ai le droit de savoir. Moi aussi, je veux vivre, tu entends? Je veux vivre. J'existe. J'existe. Pourtant, je suis patiente. Je t'aime. Tu as rien à me reprocher. Je t'ai jamais rien demandé. Tu m'écoutes même pas. Jacques! Jacques, mon chéri! 269, plan moyen, panoramique de Jacques qui revient au milieu de la pièce. Dans le mouvement du panoramique, nous découvrons Viviane. Il se dirige vers la porte. Viviane le suit. Si tu pars, je te préviens, je vais me suicider. Très court travelling, les suivants. Jacques. C'est ça. Viviane s'accroche à lui, l'écarte doucement, mais fermement, et claque la porte. Rue Jacques, extérieur soir. 270, plan éloigné, légère plongée de Jacques qui traverse la rue et va à l'hôtel en face de chez lui. Chambre hôtel, intérieur soir. 271, plan rapproché de Jacques de face qui rentre dans la chambre sans allumer. Il s'approche du lavabo, se regarde dans le miroir. Quelle conne. Mais quelle conne. Elle ne comprendra jamais rien. Et ils sont tous comme ça. Se regardant dans le miroir. Dans le fond... Je m'entends bien qu'avec toi. Panoramique, Jacques va à la fenêtre. Façade, maison Jacques, extérieur nuit. 272, plan éloigné, légère contre-plongée. Maintenant, vêtue d'un peignoir, Viviane sort de la salle de bain. Elle prend le téléphone, n'obtient pas son correspondant. Elle raccroche, se dirige vers la fenêtre et ferme les volets. Chambre d'hôtel, intérieur nuit. 273, plan rapproché de Jacques qui s'étend sur le lit. De la chambre à côté parviennent les éclats de voix d'une discussion. Voix vulgaire de poule enrouée et voix d'homme. La caméra avance très lentement sur Jacques. Sanglots forcés de plus en plus aigus de la femme à côté et voix de Jacques. D'après la position de ma chambre, j'ai compris que ça devait être la bonne femme que je regardais quand j'étais chez moi. Ça m'a complètement enlevé l'envie de la connaître. Alors là, je résume un tout petit peu. On voit le lendemain matin Jacques qui revient chez lui, qui traverse la rue, c'est une rue ensoleillée. Il est content finalement de cette journée. Alors, panoramique, le suivant, qui se dirige vers sa porte. Devant l'entrée de l'appartement, il y a un attroupement. Jacques se fraye un passage et parvient à rentrer chez lui. Plan rapproché d'un petit homme qui veut mettre Jacques à la porte. Le petit homme. Non, monsieur, on n'entre pas. Mais enfin, je suis chez moi. Ah bon, c'est vous le mari? Venez. Par le couloir, le petit bonhomme conduit Jacques vers la chambre à coucher. 278, plan rapproché, légère plongée, très court travelling avant de Viviane qui dort et d'un homme assez jeune qui est penché sur elle et l'ausculte. Il se tourne vers le petit bonhomme hors champ. L'homme, tout ira bien maintenant. Il se lève, passe dans l'autre pièce, suivi en travelling panoramique. Il s'assoit à la table de trois quarts face, sort un bloc de sa serviette et rédige une ordonnance. Le petit bonhomme et Jacques entrent dans le champ de trois quarts d'eau. Le petit bonhomme présentant Jacques. Monsieur est le mari. Le médecin incline la tête et tend l'ordonnance à Jacques en se levant, suivi en panoramique verticale. Le docteur. Vous lui donnerez ça, je repasserai ce soir. Le docteur s'en va. Plan rapproché du petit bonhomme et de Jacques. Le petit bonhomme se tourne vers Jacques qui reste avec l'ordonnance sans comprendre. Le petit bonhomme. Votre femme a tenté de se suicider au gaz. On peut dire que vous avez de la chance. Un peu plus, toute la maison sautait. Travelling précédant Jacques qui pose l'ordonnance sur la table. Le petit bonhomme le regarde un instant puis il le rejoint. Le petit bonhomme. Je suis un inspecteur de police du quartier. Je dois vous poser quelques questions. L'inspecteur sort un carnet de sa poche et un stylo à billes. Jacques s'assoit sur la table pour se mettre au niveau de l'inspecteur. L'inspecteur. Où étiez-vous la nuit dernière? à l'hôtel en face. Vous étiez disputé avec votre femme? Non, j'avais besoin de changer d'air. Vous êtes marié depuis longtemps? 15 jours environ. Votre profession? Agent immobilier. Enfin, jusqu'à... il y a 15 jours. Et maintenant? Sans profession. Et votre femme? Ma femme? Oui, sa profession. Artiste. Écœuré, l'inspecteur n'insiste pas. Il remet dans sa poche son carnet et son stylo. Panoramique se dirige vers la porte, accompagné par Jacques, l'inspecteur. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, il faudra passer signer votre déposition. À bientôt. Panoramique, puis travelling jusqu'en plan rapproché de Jacques, qui revient près du lit de Viviane, qui dort toujours. Dans son sommeil, elle serre le bras de Jacques très fort. Voix de Jacques. J'étais effondré. Il n'y avait pas de doute. Elle m'aimait vraiment. Je n'étais plus seul. Jacques se libère le bras. Panoramique, il va dans la salle de bain et commence de se raser. On entend le bruit du rasoir électrique. Plan rapproché de la concierge qui surgit comme un polichinelle en ouvrant la porte de communication avec le couloir. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Valin? Non, non, merci. Et il lui referme la porte au nez. Appartement Jacques, intérieur soir, 282, plan moyen. Pendant que le docteur l'examine, Viviane, les yeux fermés, se débat en parlant. Jacques attend au pied du lit. Jacques! Jacques! Je t'aime! Oh mon Dieu, si vous saviez comme je l'aime! Mais c'est fou! C'est fou! Jacques! Maman! Jacques! La pauvre, même dans le délire, n'avait pas le sens de la tragédie. Plan rapproché du docteur qui fait une piqûre à la cuisse de sa malade. Plan rapproché de Jacques et du docteur. Bon, je passe un peu sur les indications techniques. Jacques et le docteur passent dans autre pièce. Dans le fond, Viviane continue à gazouiller. Jacques, tu es là. Tu es revenu, mon chéri. Reste, ne pars pas. Jacques, Jacques, je t'aime tant. Tu sois gentil avec moi. Maman, Jacques. Etc, etc. Le docteur et Jacques se regardent. Ils sont aussi gênés l'un que l'autre. Le docteur. Je crois qu'il n'y a plus rien à craindre, mais il faudra que vous la surveilliez. On ne sait jamais, elle pourrait recommencer. Une certaine complicité s'est établie entre les deux hommes. Pour la première fois, le médecin regarde vraiment Jacques. Jacques un peu troublé. Vous voulez boire quelque chose, docteur? Non, merci. Jacques! Jacques! Tu es là! Jacques! Vous êtes marié? Maman! Jacques! Oui. Jacques! Allez, bon courage. Et le docteur s'en va. Jacques! Jacques! Jacques! Jacques revient dans le living. À un moment, il a envie de mettre un disque sur le pick-up, et puis quand même... il se rend compte que ce n'est pas tout à fait le moment. Finalement, il prend du papier, un stylo, s'installe à la table et commence d'écrire une lettre. Insert de la lettre. « Ma chère maman. » Un demi-gros-plan de Jacques qui s'arrête. Il parle seul, le regard lointain. Et il dit « Maman. Maman. » Alors là, nous avons un court souvenir. C'est le départ de Jacques pour Paris avec une maman qui est, je ne dis pas une mère abusive, mais un peu une mère poule. Enfin, la scène ne donnerait pas grand-chose comme ça. Et il y a une légère dispute avec sa mère, navrée de le voir partir pour Paris. Et à coup d'argument, la mère dit « Et ton père, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Et il s'en fout, du moment qu'on ne touche pas à sa voiture. Plan moyen, par la fenêtre, on voit le père qui effectivement brique sa voiture avec amour. C'est la dernière image que j'ai eue de lui. Appartement de Jacques. Insert de la main de Jacques qui commence d'écrire la lettre. « Ma chère maman... j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je me suis marié il y a 15 jours. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je voulais t'en faire la surprise. » Appartement Jacques intérieur jour. 290, plan moyen de Viviane qui dort encore au deuxième plan. À son chevet, Jacques de trois quarts d'eau au premier plan feuillette les journaux du matin. Il lit un titre. Insert avec léger panoramique. 15 jours après son mariage, une jeune cover girl tente de mettre fin à ses jours. Quelques photos de Viviane sont reproduites, dont plusieurs en maillot de bain. Sur chacune d'elles, elle sourit. Voix de Jacques. Excellent pour sa publicité. Plan rapproché de Jacques qui abandonne sa lecture. Il regarde la couverture en toile de Jouy hors champ. 293. Gros plan, travelling panoramique de deux mouches qui zigzaguent à travers les sentiers du paysage. En les suivant, nous découvrons Viviane en demi-gros plan qui s'est éveillée et regarde fixement son mari. parenthèse, nous n'avions qu'une mouche qui ne zigzaguait pas, malheureusement. Mais ça, c'est là où on voit tout le problème avec le romancier, car évidemment, le romancier écrit deux mouches zigzag sur une toile de Jouy et il écrit ça en 20 secondes. 294. Un demi-gros plan de Jacques qui lui sourit. Tu veux boire quelque chose ? 295. Gros plan de Viviane qui fait non de la tête. 296. Plan rapproché de Jacques de profil, faussement enjoué, qui se penche, suivi en panoramique le cadran avec sa femme, pour lui montrer les journaux où on parle d'elle. Regarde, on parle partout de toi. Les photos sont très bonnes. Viviane ne veut même pas jeter un coup d'œil. Sois gentil, ferme les volets. Il y a trop de lumière. Travelling arrière et panoramique, suivant Jacques qui va à la fenêtre et ferme les volets. Panoramique, il se rassied dans son fauteuil. Plan éloigné, raccord dans le mouvement, du couple qui reste dans la pénombre sans dire un mot. Les bruits de la rue cessent, on n'entend plus que quelques craquements. Jacques est au premier plan de dos, au deuxième plan Viviane presque dans l'ombre. La chambre, les meubles apparaissent presque comme dans un rêve. On dirait que les objets vont se mettre à vivre. Ils ont une autre échelle. Les reflets, la brillance des objets ne sont pas motivés par la direction de la lumière. Jacques regarde un instant les volets. 298, plan rapproché des volets. Les lignes parallèles d'ombre et de lumière s'animent, se chevauchent. Parenthèse aussi, nous sommes arrivés à un certain résultat, mais pas le résultat que je voulais. Vous comprenez, où il aurait fallu que vraiment les lignes aient l'air presque d'onduler. Nous l'avons eu, mais pas tout à fait comme je le désirais. Bon. 299, un demi-gros plan de Jacques qui tourne la tête et regarde le mur en face de lui. 300, plan rapproché du mur qui semble s'approcher. 301. Gros plan de Jacques qui détourne son regard et fixe la lampe de chevet, cette lampe qu'il avait mise à la place de l'obélisque. Plan rapproché de la lampe qui devient bientôt très grande, très lumineuse, tout s'éclaircit jusqu'à devenir presque blanc. Oui, je voulais enchaîner sur une mer. Plan général, à perte de vue, la mer, une mer plate et ensoleillée qui se noie presque dans le ciel. Parce qu'il y a, si vous voulez, l'obsession du soleil, c'est un film quand même solaire, je pense, puisqu'il devient de plus en plus blanc. Et ces passages au bord de la mer étaient, je pense, assez importants, mais on les a coupés. Alors, vous voyez, quand on voyait le film, chaque fois que vous indiquez ici rayon de soleil, le moment où une espèce où il trouve un moment de bonheur, comme ça, et cette scène que vous venez de nous décrire, où je me souviens dans le film, on a l'impression que c'est là où ça bascule. On va le voir à la lecture, oui, du scénario, mais au moment du film, il y a tout d'un coup cette espèce de lumière étincelante qui envahit tout l'écran, et on se dit, bon, c'est le moment où il devient fou. Ça, nous en discuterons après, mais c'est ce que beaucoup de gens ont pensé. Une forme de folie arrive à ce moment-là, en tout cas. Et je suis frappé parce que dans votre scénario, c'est au contraire une espèce d'illumination de bonheur. Moi, si vous permettez, je vais faire une petite réflexion là-dessus. C'est que j'ai vu à quel moment le film basculait. C'est pas du tout à ce moment-là. Ne le croyez pas. Le film basculait à partir du moment où Jacques commençait de faire des découvertes un petit peu insolites. Quand, par exemple, il comptait les marches de l'escalier. Quand, par exemple, il regardait sa femme et qui lui disait « j'ai réussi à faire vivre un arbre » ou lorsqu'il arrivait à dire « je suis arrivé à supprimer les gens », etc. Alors là, le public avait, je pense, une réaction de défense et prenait à ce moment-là Jacques pour un être hors de la normale. Et je crois que c'est ça, en fait, beaucoup plus que... Oui. Mais là, il y a une autre réaction. Il y a le fait que jusqu'au moment où sa femme tente de se suicider, il n'est pas profondément antipathique. On le prend pour un personnage insolite. Puis brusquement, il devient antipathique au spectateur qui se dit comment ? Enfin, c'est bien gentil d'être hors de la vie, mais au point de laisser sa femme de se suicider, d'arriver dans l'appartement et de ne rien ressentir. Alors là, les gens, pour distancier le personnage et ne plus accrocher à lui avec sympathie, disent bon, alors il devient fou. Et c'est pour ça que juste après qu'il y a eu cette scène horrible où elle, pour la première fois, ne joue plus et devient bouleversante et comprend qu'elle a en face de lui un personnage qui est monstrueux par rapport à elle, brusquement le spectateur le voit fixer cette lampe et dit ah bon, mais tant mieux, il est fou. Je crois que c'est une réaction de défense, une réaction aussi un peu, disons-le, un peu hypocrite. C'est que la plupart des gens auraient agi comme mon personnage, mais ils n'osent pas l'avouer, quoi. Alors c'est confortable comme réaction, on se retranche derrière ça. Et peut-être que mon erreur, il faut faire un mea culpa, mon erreur, ça a été de laisser des armes à ces critiques. Oui, mais justement, tout le problème, et c'est un des sens du film, et c'est que le problème de la folie dans notre société, enfin, chaque société a sa conception de la folie, et la folie, c'est une manière d'écarter les tentations. Et c'est pour ça, si les gens ont vu là un fou, c'est que justement, il y avait une tentation à écarter. Absolument. Les psychoses se réfèrent à une psychose de détachement. On se détache, on a des dépressions nerveuses, on décroche de son travail, on quitte une vie qui... un rythme de vie qui devient de plus en plus insupportable. Et lorsqu'ensuite j'ai parlé avec des psychiatres, eh bien ces psychiatres m'ont dit que sur, mettons, 100 cas de folie, il y en a 99 qui sont des cas qui se réfèrent à cette tendance, qui, pour employer un mot un peu enfin, technique, une tendance schizophrénique. Appartement Jacques, intérieur jour. 304. Un demi-gros-plan de Jacques, toujours assis dans son fauteuil, la lumière l'éblouit. Il semble ne pas se rendre compte de l'endroit où il se trouve. Le docteur, off. Monsieur Valin, réveillez-vous. 305. Plan rapproché du docteur qui finit d'ouvrir les volets. Les bruits de la rue explosent soudain. Le docteur s'approche de Jacques, précédé en travelling. Dans le mouvement, nous découvrons Jacques. Le docteur, votre femme est guérie. Jacques se tourne vers sa femme. 306. Plan rapproché de Viviane, en chemise de nuit, qui est assise sur le lit et dévisse un bouchon de vernis à ongles. 307. Un demi-gros plan de Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? C'est moi, le docteur. Docteur? Votre femme a été très malade, vous ne vous souvenez pas? Non. Le gaz, la police. Ah oui, je me souviens. C'est idiot, j'avais complètement oublié. Il y a combien de temps que je suis comme ça? Depuis hier matin, ça fait tout juste un jour. Le docteur s'apprête à partir. Jacques veut se lever pour l'accompagner. Le docteur, non, je connais le chemin. Se tournant vers Viviane. N'oubliez pas, vous devriez vous reposer quelques jours, vous en avez besoin. Se tournant vers Jacques à nouveau. Je passerai sans doute vous voir cette semaine. Claquement de la porte. Plan rapproché de Viviane qui se peint avec application les ongles des pieds. Très gros plan de l'orteil qui change de couleur. Son orteil changeait lentement de couleur, comme un gros insecte exotique. Le docteur a raison, on pourrait partir tous les deux, sur la Côte d'Azur, en Bretagne, bien à l'étranger, l'Italie par exemple. Il y a longtemps que j'en rêve. Ce serait notre voyage de noces, enfin. Toi et moi. Tu es bien gentil quand même, mon pauvre Jacques. Tu devais faire cette tête-là quand tu étais gosse. Tu mentais à tes parents. Tu te donnes du mal, mais à quoi bon? C'est fini. Moi, je m'en sortirai toujours. Mais toi? Ne t'en fais pas pour moi. Surtout que personne ne s'occupe plus de moi. Je n'ai plus besoin de personne. Et puis, c'est trop compliqué à t'expliquer. Je ne comprendrai pas. C'est vrai, je suis conne. Mais je le sais. Et si je ne l'étais pas, tu ne m'aurais jamais aimé. Depuis le temps qu'on vit ensemble, je commence à te connaître. Eh bien, même quelqu'un de très intelligent ne pourrait plus te comprendre. Tu es parti ailleurs. Viviane agite ses doigts de pied pour faire sécher le vernis. Gros plan des pieds. Je les ai bien gardés, une fois encore. Appartement Jacques intérieur nuit. Plan rapproché de Jacques, assis au premier plan de face devant la table du living, qui lit une lettre et la repose. Viviane au deuxième plan est au lit. Elle feuillette un magazine. La radio diffuse de la musique en sourdine. Jacques prend une feuille de papier blanc et commence d'écrire. Paris, le. On est le combien? Le 10. Insert de la lettre. Jacques écrit. Le 10-7-1963. Cher monsieur, je. Et Jacques, au lieu de continuer, commence de faire traîner sa plume en dessinant une sorte de labyrinthe qui n'en finit pas. Un demi-gros plan de Viviane. Jacques? Oui? Tu ne m'en veux pas pour ce matin? Non. Tu avais raison, je crois. J'étais énervée. Je ne pensais peut-être pas tout ce que je disais. Jacques, sans lâcher son stylo, se retourne. Sonnerie du téléphone. Viviane décroche, Jacques se remet à son dessin. Allô? Ah, c'est toi. Bonsoir. Oui, je me sens beaucoup mieux. Jacques va très bien. Non, c'est impossible. Mais non, ne t'énerve pas. Jacques regarde la feuille de papier et nous avons un insert du labyrinthe qui continue à dessiner. Je t'expliquerai un peu plus tard. Mais puisque je te le dis, non, je t'assure. La voix de nouveau se fond. On a Jacques, un plan de Jacques qui regarde la glace et travelling avant sur la glace. La voix de Viviane diminue. Dans la glace, la chambre apparaît sans personne, calme, tranquille. On n'entend plus la voix de Viviane. Appartement Jacques, intérieur jour. Entrée, plan moyen de Viviane qui rentre avec deux sacs pleins de provisions. Jacques, viens. Elle va dans la cuisine, précédée et suivie en travelling panoramique. Jacques entre dans le champ. Viviane déballe les provisions et les range. Voilà, 4 paquets de biscottes, des raviolis, 5 boîtes de sardines, des confitures de groseille, du lait concentré, des pâtes, du riz, du café, du thé. Au moins, tu ne mourras pas de faim. Viviane sort de la pièce. Punaisée sur un placard, Jacques aperçoit une petite note manuscrite. Insère de la note. N'oublie pas de refermer le gaz après t'en être servi. Les allumettes sont dans le four. Tâche de vider la poubelle de temps en temps. Plan moyen, caméra axée sur fenêtre. Viviane sort des vêtements d'un placard et les range dans deux grandes valises ouvertes sur le lit. Jacques entre dans le champ. Pour se rendre utile et pour faire quelque chose, il prend quelques effets qu'il amène à Viviane. Il finit par lui apporter une petite chemise de nuit transparente, un soutien-gorge et le chapeau qu'il avait mis à la place du dôme du Panthéon. Viviane s'affaire pour cacher son émotion. Elle s'efforce de ne pas regarder Jacques. Elle s'assied à sa coiffeuse. Jacques s'assied sur le lit et l'observe. Un demi-gros plan de Viviane qui commence de se maquiller. Fard, crayon, noir autour des yeux, rimmel. Elle reprend petit à petit un visage de poupée sophistiqué qu'elle avait perdu depuis quelques jours. Voix de Jacques. C'était bien fini. Elle remettait son masque. Finalement, elle réunit de nouveau ses cheveux sur le sommet de son crâne en une espèce de chignon chou ridicule, se vaporise avec le fixateur, bruit de l'aérosol. 339, plan moyen de Jacques qui va ouvrir. C'est Fernand qui rentre sans lui dire bonjour. Court travelling les précédents et panoramique les suivants dans la chambre à coucher. Fernand à Viviane. La voiture est en bas. Fernand prend une valise et s'en va. Il sort du champ. Jacques s'assoit sur l'autre valise pour la fermer. Viviane s'approche pour l'aider. Travelling panoramique. Jacques apporte la valise à Fernand qui attend sur le palier. 340, un demi-gros plan de Fernand qui prend la valise. Fernand à voix basse en prenant la valise. Toi, tu es un beau salaud. 341, plan rapproché des deux, raccord dans le mouvement. Fernand s'en va. Jacques revient dans le living, précédé en travelling panoramique. Viviane est debout, prête à partir. Elle fait un terrible effort pour ne pas pleurer. Bon, au revoir. Ils s'embrassent, Viviane s'en va, suivie en panoramique, puis revient sur ses pas également suivie en panoramique. Je t'ai laissé un peu d'argent sur la commode. Claquement de la porte. Plan moyen de Jacques de dos qui fait quelques pas et va à la fenêtre. Rue Jacques, extérieur jour. Plan éloigné, 343. Plongée de Viviane qui arrive dans la rue. Avant de rentrer dans la voiture de Fernand, elle ne peut pas s'empêcher de regarder en direction de la fenêtre. La voiture démarre. Appartement Jacques, plan rapproché de Jacques de dos qui quitte la fenêtre, suivi en panoramique et court travelling. Les murs sont toujours couverts des photos de Viviane. Jacques en enlève une, puis une autre, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus une seule. À la tête du lit, sur le papier, il ne reste que la marque foncée de deux têtes. Jacques place deux coussins devant. Plan rapproché de Jacques qui ferme la porte à double tour. Il met un disque, son disque très fort sur le pick-up. Musique arabe tonitruante, un court instant, il mime une danse du ventre. Il finit par s'asseoir dans son fauteuil en soupirant d'aise. Appartement Jacques, intérieur jour, 345. Plan rapproché de Jacques qui se réveille, il regarde la pendulette sur la table de chevet, il est 10h. Un instant, il se prélasse seul dans le grand lit, puis il se lève. Panoramique, il va à la fenêtre, ouvre les volets. Bruit strident de la rue. Un demi-gros plan de Jacques de face qui finit d'ouvrir les volets. Il regarde la ville autour de lui. Plan général, court panoramique. Le paysage est éclairé par une lumière grise, terne, qui salit tout. 348, plan rapproché de Jacques. Caméra axée sur le living room, il referme la fenêtre. La chambre au contraire est comme baignée par la lumière du soleil. Panoramique, il va dans la cuisine, prend un tube de lait concentré. Panoramique, il revient dans la chambre, à coucher, s'assoit sur le tapis. Je signale qu'à ce moment-là, on a un silence total dans l'appartement. 349, un demi-gros plan de Jacques qui débouche le tube, avale une gorgée de lait, il regarde autour de lui. 350, panoramique travelling. Les objets, les meubles brillent sans que l'on puisse déterminer exactement d'où vient la lumière. Mais leur présence, leur existence s'accroissent d'autant. Voix de Jacques. Les meubles, c'est comme les arbres, comme les buissons. Si on ne fait pas attention, ça vous grignote. Plan moyen de Jacques qui se lève. Il prend une chaise. Bruit de plus en plus aigu des meubles que Jacques déplace. Panoramique, l'amène dans le living room. Il prend ensuite la table de chevet de Viviane et la porte également dans la pièce à côté. Il vide fébrilement la chambre, laisse tomber un vase, entasse les meubles, les objets dans le living room comme dans un débarras. Il revient dans la chambre. Il ne reste que le lit, la table de chevet, la lampe et la commode. C'est une lourde commode paysanne. Jacques commence de la pousser. Plan rapproché de Jacques qui fait de terribles efforts et parvient à la déplacer centimètre par centimètre, suivi en travelling latéral puis précédé par le travelling. Craquement, crissement de la commode et soupir de plus en plus fort de Jacques. C'est un trajet fait d'embûches, de brefs retours en arrière, de ruses. On dirait que Jacques lutte avec un être vivant. Travelling s'arrête panoramique. Après un dernier effort, le jeune homme fait entrer le meuble dans le living room. Jacques veut fermer la porte de communication entre les deux pièces. Il n'y parvient pas. Il pousse de toutes ses forces. La commode heurte une pile de meubles qui s'effondre. Fracas des meubles. Jacques referme la porte de communication. Il est essoufflé en sueur. Respiration de Jacques. Panoramique. Il repousse le lit contre le mur. Puis, panoramique, il s'assoit sur le tapis au milieu de la chambre. 353, plan moyen de Jacques de dos, assis au milieu de la chambre. Meublé seulement du lit et de la table de chevet, la pièce semble beaucoup plus vaste. Les murs, enfin nus, sont beaucoup plus clairs. 354, un demi-gros plan de Jacques qui les fixe intensément. Voix de Jacques. Ce jour-là, j'ai compris que quand on veut vraiment, les murs n'existent plus. On les rend transparents. On va de l'autre côté. 355, plan moyen, travelling avant sur les murs qui ne sont bientôt plus qu'une masse blanche dans laquelle le regard de Jacques pénètre toujours et toujours plus avant. Chambre Jacques, intérieur jour. 365, travelling panoramique précédant et suivant Jacques qui va et vient en parlant. À certains moments, il semble s'adresser directement au public. Maintenant, je l'ai. J'en suis sûr. J'ai le secret. J'avais besoin d'être seul pour savoir vraiment. Le tout, c'est de passer de l'autre côté. Une question de volonté. Mais qui ose? Regardez, par exemple, les gens bouffent, ils n'arrêtent pas de bouffer, et moi, en 15 jours, j'ai tout juste avalé un tube de lait concentré et à peine un paquet de biscottes. Pourtant, je suis en pleine forme. Je peux sauter, faire de la gymnastique. Regardez. Je ne mens pas. La grève de la faim, c'est rien du tout. Les fakirs, c'est de la foutaise. C'est une question de discipline. Et s'économiser, pas de gestes inutiles. Et comme les fauves. Seulement voilà, il faut savoir, il faut apprendre. Et personne ne vous apprend. Moi, j'ai eu de la chance. Et puis, je dois être doué. Ils ne savent même pas se regarder. S'ils se voyaient, ils auraient peur. Ils auraient le vertige. Ils ne se connaissent plus. Vous-même, docteur, je suis sûr, vous n'avez jamais essayé. Pour la première fois depuis le début de la scène, nous découvrons le docteur qui écoute assis sur le lit. C'est le médecin qui était venu soigner Viviane. Jacques s'éloigne de la porte de communication. Quand on se regarde vraiment, on ne peut plus faire semblant. On commence de vivre. Parce que, je vais vous dire, tout vit. Un pied, une lampe, une main. Et lorsque, comme moi, on est passé de l'autre côté des choses, plus rien, plus rien. Enfin, on ne peut plus s'embêter, parce que tout est possible. Tout devient lumineux. On découvre un autre monde. Les gens ne savent pas voir, ne savent pas respirer, ne savent pas entendre. Ils oublient aussi les bruits. Ne souriez pas, j'ai raison, je vous assure que j'ai raison. Quand j'étais à l'école, notre professeur nous parlait souvent d'un type, un philosophe je crois, qui disait que tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il ne sait pas vivre entre quatre murs. Moi je peux, je suis heureux, je peux tout faire si je le veux. Danser tout seul, parler tout seul, et même rire tout seul. Je suis très heureux, heureux à en pleurer, et je le serai toujours plus. Ben oui, et oui, et oui. Plan rapproché du docteur qui sort un appareil de sa poche, c'est un tout petit magnétophone. Il fait revenir la bande en arrière. Il appuie sur un bouton et on entend ce que vient de dire Jacques. Un micro plan de Jacques qui écoute avec passion. Plan rapproché des deux, Jacques de profil au premier plan, le docteur de face au deuxième plan. Le docteur arrête la bande, la fait défiler, elle accélère et reprend l'audition normale. Bon, alors de nouveau, on entend le texte que vient de dire Jacques. Le docteur arrête la bande. C'est très beau, je ne savais pas que je parlais aussi bien. Si vous voulez, je peux vous laisser l'appareil. Merci. Seulement, J'aimerais que vous essayiez de parler de tout ce qui vous est arrivé depuis 2 mois. Mais pourquoi ? J'ai un de mes amis, un homme très riche, qui s'intéresse à ce genre d'expérience. C'est un vieil original, et si votre récit lui plaît, il vous donnera une chambre dans sa maison aux environs de Paris. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Vous serez logé et nourri jusqu'à ce que vous finissiez votre histoire. Un vrai rêve, en somme. Qu'est-ce que vous en dites ? Je veux bien essayer. Le docteur sort de sa trousse quelques bobines magnétiques. Il les laisse à Jacques. Il se lève. Jacques reste assis par terre. 369. Plan moyen raccordant le mouvement de Jacques au premier plan de dos et du docteur qui se lève. Le docteur. Je repasserai dans quelques jours. Au revoir. Au revoir, docteur. Claquement de la porte. Jacques prend le magnétophone et s'appuie contre le lit. Il est ainsi de profil. Jacques met le contact et fait défiler la bande. Il prend le micro. Jacques. Je m'appelle Jacques Vallin. Jacques. Jacques Vallin. Je m'appelle Jacques Vallin. Jacques Vallin. Jacques Vallin. Jacques arrête la bobine, il la fait défiler en arrière, il stoppe la bande et rebranche l'audition. Jacques dit « Je m'appelle Jacques Vallin » et il est interrompu par la sonnerie du téléphone. Il coupe le contact, il se lève et va prendre le téléphone à l'autre bout de la pièce. Il revient s'asseoir par terre, plus près de la caméra et de 3/4 face. Il décroche. Voix de Viviane. Allô ? Allô, Jacques ? Allô ? Allô, réponds-moi. Je sais que tu es là. Jacques ? Tu vas bien ? Est-ce que tu manges bien, au moins ? Tu fais attention au gaz ? Jacques ? Jacques, mon chéri ? Il y a un long silence, puis déclic de fin de communication et tonalité. Chambre Jacques, intérieur jour. 370, plan moyen, légère contre-plongée de Paul, qui marche de long en large dans la pièce et, à un certain temps, parle. Tu ne vas quand même pas rester bouclé toute ta vie ? Plan rapproché de Jacques, vêtu d'un pyjama, qui est assis sur son lit et qui regarde son ami en souriant sans répondre. 372, plan moyen de Paul, qui marche en silence. Tu ne peux plus être heureux autrement ? Panoramique. Paul va s'asseoir à l'autre bout du lit. En fin de panoramique, nous cadrons les deux amis en plan moyen. Paul, essaye au moins de faire semblant. Jacques continue à sourire. Paul, si c'est une question de travail, tu pourras en trouver un qui te plaira. Au début, je t'aiderai. Jacques ne répond toujours rien. Panoramique suivant Paul qui se lève et se remet à marcher de long en large. Tu te crois très fort, tu sais ce que tu veux, mais bientôt tu ne voudras plus rien. Plan rapproché de Jacques qui joue avec ses doigts de pied. Un demi-gros plan de Paul qui le regarde un instant. Il fait quelques pas, va à la fenêtre. « Mais bon Dieu, ce que tu cherches est impossible. En tout cas, ce n'est pas ici que tu pourras vivre tranquille. » Plan rapproché de Jacques. « Viens t'asseoir. » Plan moyen, légère contre-plongée, panoramique de Paul qui s'assoit. En fin de panoramique, nous cadrons Paul et Jacques en plan rapproché. Les deux amis se regardent longtemps sans se parler, comme s'ils n'allaient jamais se revoir. Paul est très triste. « Tu ne veux vraiment pas sortir ?» Jacques fait non de la tête. Paul, après tout, tu as peut-être raison. Chambre Jacques, intérieur jour. 377, plan moyen, légère plongée, caméra axée sur la fenêtre. Plan moyen de Jacques vêtu d'un pantalon et d'une chemise qui est seul dans sa chambre. Assis sur le rebord du lit, il parle dans le micro du magnétophone. Ça doit être encore un coup de Viviane pour m'obliger à sortir. Ils ne peuvent donc pas supporter de me voir heureux, tout seul ? Voilà les faits. Une drôle de petite bonne femme est entrée. Elle ressemblait à ma mère, mais en caricature, avec un masque blanc de guignol et des sourcils très noirs. Elle bourdonnait autour de moi comme une grosse mouche à viande en criant « Jacques, Jacques, mon petit, tu ne me reconnais pas ? Tu ne me reconnais pas ? Non ?» Elle a crié et sangloté. Elle en faisait quand même un peu trop. Mais elle croyait tellement à son rôle que pour lui faire plaisir... J'ai fini par dire « Oui, maman, je te reconnais. » Ça l'a apaisée. Ce n'était pas une excellente comédienne, mais elle avait de très bons moments. Appartement Jacques, intérieur jour. Plan moyen de Jacques qui finit de passer le costume qu'il portait le jour de son mariage. Voix de Jacques. Le début de mon récit a plu à l'ami du docteur. Il m'a invité dans sa maison. Je pourrais enfin voir la paix. panoramique, il va nouer sa cravate devant la vitre de la porte de communication. Jacques jette un dernier coup d'œil sur la chambre, il prend le magnétophone et s'en va. Entrée, plan moyen de Jacques, il sort en laissant la porte ouverte. Escalier et entrée, immeuble Jacques, intérieur jour. Plan moyen de Jacques de face, il passe devant la loge. La concierge surgit comme une marionnette et l'observe. Rue Jacques, 388, plan moyen de Jacques qui sort de profil de sa maison. Une très belle auto attend devant la porte. La rue est déserte. Il n'y a pas de circulation. Silence. Un chauffeur se précipite pour ouvrir la portière à Jacques. La voiture démarre. Rue et avenue de Paris, extérieur jour. Vu à travers les vitres de la voiture, les rues, les boulevards, les avenues de Paris défilent. Tout est désert, une lumière pâle et grise donne au décor un air de fin du monde. Toujours vu à travers la vitre de la voiture, défilent maintenant l'autoroute et les immenses ensembles d'habitations modernes de la banlieue sud de Paris. Ces paysages semblent être ceux d'une planète abandonnée. Rue de banlieue, 399, plan éloigné de la voiture qui franchit le portail d'une maison. Chambre, intérieur jour. 400, plan moyen de Jacques de dos, assis sur un tapis au milieu de la chambre. Il regarde autour de lui. J'ai une très belle chambre, très claire, très blanche, comme dans une clinique. Cette pièce est la réplique exacte de sa chambre de Paris, mais les murs sont blancs et les meubles, lit et table de chevet, ceux d'une clinique. Une jeune femme qui a la silhouette de Viviane, mais dont nous n'apercevons pas le visage, dépose un plateau avec un repas au pied de Jacques, puis s'en va sans dire un mot. Viviane, déguisée en infirmière, est venue me servir à manger. Jacques commence de manger, puis il écarte le plateau et reste immobile. Travelling arrière très lent. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore touché au magnétophone. Il faut que je fasse durer le plaisir. Je suis heureux. Je pourrais rester comme ça très longtemps, sans rien faire. Finalement, je les ai eus. Voilà, le film d'Alain Jessua est terminé. La vie à l'envers, nous avons essayé de vous en donner un aperçu. Nous pensons que la lecture de ce scénario, pour ceux qui l'ont vu, a apporté quelque chose. Nous avons découvert certains aspects du film et approfondi certains autres qui passent trop vite lorsqu'on voit un film dans une salle. Mais il y a une question qui reste en suspens, Alain Jessua. C'est cette fameuse dernière phrase du film, « Eh bien, je les ai eus ». Vous savez que pour beaucoup de spectateurs, votre héros devient véritablement fou, mais comme beaucoup de fous et comme beaucoup de schizophrènes, il ne voit pas sa folie, il ne sait pas qu'il est fou. Est-ce qu'il y a un point de vue de l'auteur ou est-ce que vous gardez l'ambiguïté jusqu'au bout? Je crois que je garde l'ambiguïté jusqu'au bout parce que c'est un être qui peut traverser cette crise et puis un jour trouver un équilibre social ou bien rester totalement asocial et terminer dans cette maison de repos, où il est heureux, où je crois qu'il le sera toujours, mais il sera irrécupérable pour la société. Lui, de toute manière, arrivera, je pense, à trouver le bonheur, soit hors de la société, soit dans la société. Voilà l'ambiguïté. Mais il a trouvé le bonheur. Merci Alain Jessua. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, La vie à l'envers d'Alain Jessua avec le concours de Charles Denner et Anna Gaylor. Assistante de réalisation, Annie Cœur de Vais. Thank you.